On te fait des gros bisous, Julie. Bisous, Julie. On vous tient au courant de Julie. Il n'y aura pas les 5 dernières minutes. Hein. Ce soir, priorité à vous, hein, les auditeurs. Hein, quand vous avez des problèmes, on essaie d'être là avec vous et jusqu'au bout. Surtout, de, bah voilà, une fois que vous passez à l'antenne, de ne pas vous laisser tomber, quoi, de ne pas vous lâcher. Hein. Merci en tout cas pour cette soirée-là avec vous. Je suis désolé, Mickaël. On ne va pas te rendre l'antenne avec la super patate, mais vous allez la donner là maintenant. Oh, mais avec, oui, mais c'est pas grave. Avec ouais. Nos limites. Mais bon, c'était important justement d'en parler parce qu'on parle bien de sûr. Tout dans cette émission tous les soir entre 20h et 23h. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a du lourd là. Oh bah il y a du lourd, oui, t'inquiète pas, il y a du lourd de prévu effectivement. Et bah du coup moi je me suis un peu emballé là. Qu'est-ce qui se passe? Je prépare. Attends, parce que, en fait, on sent que c'est une émission qui est bien préparée, Mickaël, si, limite. Si, tout est prêt là. Tout est prêt, nous sommes. On est au taquet de la préparation. Vous avez pris un peu à sec. Parlez jusqu'à 2h. Ok, les gars. Bonne émission, les garçons. Allez, bon, gros bisous et à demain. Allez, c'est parti, on est là jusqu'à minuit, jusqu'à 2h sur Fun. Je vais y arriver. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Un petit peu la bourre ce soir, mais c'est pas grave. 23h02, j'espère que vous allez bien ce soir et que vous avez passé une bonne journée. J'espère que les vacances se passent bien pour ceux qui ont déjà la chance d'être en vacances, évidemment. Et bah, vous avez quand même la belle vie, hein. Non mais c'est vrai, tout le monde dit après ouais les suites c'est relou, mais quand même il y a malgré tout un petit peu de chance là-dedans. Alors il y a évidemment en France déjà en congé, en Belgique c'est la semaine prochaine, en France c'est 2 semaines, en Belgique c'est qu'une, donc déjà en Belgique on a un peu moins de chance. Bon en tout cas soyez les bienvenus dans l'émission, moi c'est Mickaël, on est là du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis le dimanche soir bien sûr de 20h à minuit. Et je vous rappelle que dimanche prochain, celui qui arrive donc, on sera en direct de Nancy. On vous attend d'ailleurs dès 17h à la sur la place Stan. Voilà, on aura des console à vous offrir, on aura des places également pour le Starfloor. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Starfloor, ce sera donc le 23 novembre et vous allez pouvoir venir d'ailleurs. Peut-être qu'on gardera des places pour nous, puisque pour l'instant on n'a pas encore été invité. Ah, non. Bah alors. Voilà, donc vous y serez, mais nous je sais pas encore. Donc on verra. Donc Place Stan, à partir de 17h, ce sera donc à Nancy dimanche. Voilà, on vous attend évidemment avec impatience et on fera l'émission en direct des locaux de Fun Radio Nancy dimanche soir également. Et puis pour passer à l'antenne, évidemment, n'hésitez pas, le standard fonctionne. Il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0 et vous arriverez ici comme Quentin qui est avec nous. Bonsoir Quentin. Salut. Bonsoir Quentin. Ah, ça va bien Quentin? Oui, vous? Bah oui, ça va bien, ouais, tranquillement. T'as quel âge toi? 15 ans. 15 ans, très bien, t'appelles de la Sarthe? Ouais. Ouais, t'as pas encore bu et ça, ça va venir, hein, t'inquiète. Bah oui, non mais c'est ça vrai. Va. Tu vas commencer à avoir 2-3 poils qui vont pousser sur ton torse. Exactement. Et ensuite, entre autres, sur ton zboob aussi, t'inquiète pas, ça va arriver. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est? Et puis tu auras une grosse voix comme la mienne. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive en premier, le zboob ou le torse? Ah ben ça, je sais pas, moi j'en ai aucune idée. Dans l'absolu, on s'en fout un peu. Bah non, c'est pas. Bah oui, si, non, bah non. Sandro est en pleine forme également ce soir. Ouais, en pleine forme. Bon, tant mieux. Et puis Toff qui a préparé sa petite balance là et son maître pour partir à Nancy. Écoute, je les ai testés, a priori, et tout va bien. Très bien. Toff qui viendra bien évidemment avec tous ses amis, notamment celui d'hier. Je vais te couper la tête avec mon pénis. Okay, voilà, donc au taquet. Hein. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Voilà. T'as entendu ça, Quentin, hier soir ou pas? Non. Ah, mais c'est dommage, t'as raté quelque chose hier soir. Bon, si vous êtes sage également, Polo vous jouera peut-être un petit peu de pipeau, évidemment, hein, comme il a son habitude. Et puis je rappelle qu'il sera là dimanche soir également avec le pipeau, bien entendu. Oui. En pleine forme. Je sais pas parce que mon assureur me déconseille de sortir. Arrête, c'est un objet d'art. Mais oui, c'est ça. Ça coûte cher. Bon. Et puis comme tous les soirs, on suivra également le top Twittos. Alors si vous voulez entrer dans le top 5 des meilleurs auditeurs de la soirée, ceux qui sont les plus influents sur le Twitter, eh bien il vous suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 des plus actifs. Donc soyez au taquet pour commencer l'émission. N'hésitez pas, hashtag MIKL tout simplement. Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier, Quentin, en ce moment? Ouais, la nouvelle musique est de Martin, je sais plus comment. Doc Martins. Bon, bah écoute, réfléchis. Ouais, Doc Martins. Bah, réfléchis, puis tu me diras si tu trouves le nom exact. En attendant, si tu veux, je te cale Backermat avec Van Dyke. T'aimes bien ça ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ça va, il y a Ellie Goulding aussi, tiens. Je vous calerai aussi, comme promis, eh ben, la chanson, l'hymne de Toff, Red Fou avec Let's Get Ridiculous. Allez, Ah ouais, Toff, il va bouger, t'inquiète pas. Ouais, il va bouger, Mais oui, il va bouger sur la Plastane, tu vas voir, dimanche soir à 17h à Nancy. Là, oh là là. Je ferai un concours de break. Mais oui, il va super bouger, tu vas voir, ça va être énorme. Il s'est encore engagé à quelque chose de fou là. Ah, il s'est encore engagé. Bon, et puis je vous rappelle aussi qu'il y aura des cadeaux, bien entendu, avec la colle d'ici quelques minutes. Ce sera une Wii que je vous offre à la Wii U avec le jeu de Legend of Zelda et un jeu qui ne sortira qu'à la fin du mois et qu'on vous offre donc en exclu. Voilà, c'est le jeu Super Mario 3D qui ne sortira que le 29 novembre. On aura aussi des places pour aller direction le parc Astérix. 4 places. Ce sera dans le jeu du Je t'emmerde d'ici quelques minutes. Et puis, on aura aussi, bien sûr, des entrées pour venir avec nous à la Paris Games Week. Là, par contre, ce sera le 29, donc mardi prochain, 29 octobre, dès 21h. Exceptionnellement, on commencera l'émission à 21h. Pour la terminer, toujours à 2h. Rassurez-vous, hein, on ne fait pas du rab. Hein. Donc, 21h, 2h du mat. On sera là mardi prochain. C'est moi ou c'est toujours les mêmes qui finissent plus tôt? C'est toujours les mêmes qui terminent plus tôt. Ok, non, ça va, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, et Quentin également. Donc, qu'est-ce qui t'amène toi Quentin au fait? Bah c'est que j'ai peur de l'avion. T'as peur de l'avion? Bah c'est pas très grave dans l'absolu hein. Pourquoi? Tu dois prendre l'avion bientôt là ou pas? Ouais, pour aller en Allemagne avec mon collège. Si tu veux je te prête mon jet privé. Ouais, tu verras, c'est classe. Voilà, c'est bien classe, tu vas voir, vraiment vraiment cool. Attends, tu pars en Allemagne en avion? Ouais. Mais tu vas où en Allemagne? À Berlin. Ah oui, là, oui, à ce moment-là, d'accord. Je crois que tu parles ta Cologne. Je me dis, putain, c'est ridicule de prendre l'avion pour aller aussi près. Mais oui, non, à Berlin, ouais. Et quoi, t'as peur de quoi? Qui s'écrase? Ouais, voilà, exactement. Bah ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc. Hein, l'avion, c'est le moyen le plus sûr. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, alors, ok, quand il y a un accident, il y a eu beaucoup de morts. Parce que, bah, forcément, tu t'en sors rarement vivant. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup moins d'accidents qu'en bus ou en car, en voiture, en tout ce que tu veux. Hein. T'as peur de quoi? T'as peur des turbulences? Ouais, bah j'ai peur du vertige aussi. Mais non, mais le vertige, tu l'as pas le vertige, t'es dans l'avion, oui. t'es pas sur l'aile. Bah, c'est le mec qui est sur l'aile. Ouais, sa petite chaise, t'sais. Je suis en train de surfer, j'ai eu le billet moins cher, hein, mais bon, malheureusement, je suis dehors de la carlingue, c'est dommage. Sur l'aile. Mais ouais, c'est ça. T'as déjà pris l'avion, Quentin? Non, justement. Oh, mais t'inquiète. Alors, déjà, t'as aucune sensation de vertige, je te le dis direct, puisque moi j'avais le vertige avant. Zéro. Donc, pas de vertige, Quentin, t'inquiète pas. Hein. T'imagines, t'es à 10 km de hauteur là. Tu vas être à 10 000 mètres et en dessous de ton siège, le vide. Le vide. Le vide total. Le vide, il fait. Il fait moins 55 degrés là-haut et il fait un temps excellent. Par contre, tu vois bien le soleil. Ouais. Ah ouais. Tu sais que tu vois les étoiles et toi? Bah, j'ai bien entendu qu'il y était, mais on est au-dessus des nuages. Oui, on est au-dessus des nuages, oui. Mais quand il y a des nuages, évidemment. Et c'est le concept, effectivement. Ouais. Bon, Quentin, reste avec nous. T'as d'autres peurs comme ça ou pas, toi? Non. Bon, très bien, ça va. Si c'est que celle-là, t'inquiète pas, tu vas voir, elle va passer normalement. Dites-nous si vous avez des phobies, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. T'as des phobies, Sandro, toi ou pas? Bah, l'avion, ouais, je flippe aussi. Mais tu prends l'avion, t'as peur, mais tu le prends. Ouais, je le prends quand même. Oui, bah voilà. Mais c'est une horreur. Ah, moi j'adore. Oh là là là, moi je peux prendre l'avion pour. Oui, on peut. Non, j'adore. Bon, Quentin, reste avec nous. On parle des phobies dans quelques minutes. Et puis on va également accueillir Faustine avec nous là maintenant. Bonsoir, Faustine. Salut. Ça va bien? C'est Faustine ou Faustin? Faustin, très bien Faustin. Ah, t'es sur le Twitter toi? Ouais. C'est toi qui arrête pas de me casser les couilles. Hé, Lilo, ça fait deux fois. Ça fait deux fois que tu dis Faustine alors que c'est Faustin. Hein? Ouais, c'est moi. Ah, je me souviens alors, très bien. Bon, alors Faustin, t'appelles de Moselle toi et tu viens nous voir ou pas dimanche soir? Bah, si j'ai un chauffeur, ouais. Bah, tu vas trouver. J'ai un chauffeur. Un chauffeur, l'autre. On sera à 17h à Plastane à Nancy, donc j'espère que tu vas venir, hein. Bah, j'espère aussi. Ah, bah, en plus, il y a des consoles à gagner, des places pour Starfloor, bref, il y aura de quoi faire. Bon, alors, Faustin, toi, t'es là pour gagner, bah, justement, peut-être la console aussi, la Nintendo Wii U, qu'on va t'offrir ce soir, ainsi que le jeu de Legend of Zelda. Et en plus, le jeu de Legend of Zelda, plus le jeu, donc, Super Mario 3D. Pour ça, il faut que tu fasses péter la colle, Faustin, vas-y, on t'écoute. Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs, c'est ça? Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, ouais, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, une Nintendo Wii U a gagné avec le jeu Legend of Zelda, et en plus de ça, je vous mets aussi le jeu Super Mario 3D qui ne sortira qu'à la fin du mois de novembre. Donc si vous voulez tenter votre chance, à vous de jouer dès maintenant, il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L espace la bonne réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique tout simplement. Donc allez-y, donc je répète Faustin, si on me laisse je ravage et si on me donne à boire je meurs, qui suis-je? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Parfait, eh ben, je vous souhaite bonne chance. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Faustin, on te récupère tout à l'heure, on donne la réponse avant minuit 30. Ok, très voilà. Bien. Et je rappelle, tout à l'heure, et je rappelle que si quelqu'un a la bonne réponse et qu'il est tiré au sort, et bien il repartira avec la console et les deux jeux. Et si personne ne trouve, et bien ce sera pour Faustin. C'est aussi simple que ça. Et je vous cale aussi dans quelques minutes le son de Backermat sur Fun Radio. Backermat avec Vandak. Et dans quelques minutes, on va jouer également au jeu du je t'emmerde. Oui, le jeu du je t'emmerde est là, évidemment, comme chaque mercredi soir. Vous envoyez tout simplement votre message. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour jouer au je t'emmerde. Le principe est très simple. Il suffit d'appeler quelqu'un au hasard et d'arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation. Celui qui arrive à en placer le plus repart avec ses 4 places pour aller au parc Astérix. Je vous souhaite bonne chance et on joue juste après le son de Backermat et Vandak sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël nos limites. T'as à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. 01 42 48 5000. Et puis, n'hésitez pas à appeler nous. Sandro est au standard, évidemment. Il est 23h13. On parlera pas également de ce Paris Saint-Germain et de ce 5-0, pardon, face à Anderlecht en Belgique. Hein. Non, les pauvres, ils méritent pas. Ah non, là, pour le coup, c'était une zlatanerie. Voilà, c'est l'Anderlecht a été zlatané, comme on peut dire, effectivement. Bon, 23h13 sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde. On parle de la colle dans quelques minutes également. Je rappelle que vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikl officiel pour jouer et pour gagner. Et puis venez également me rejoindre sur le Twitter de l'émission. Vous tapez tout simplement maintenant Twitter. Vous tapez mikl_officiel. L'underscore c'est le petit tiret en bas. Donc mikl_officiel. Si vous me faites un follow, je vous ferai un follow également à mon tour avec grand plaisir. Voilà, je compte sur vous. Vous tapez mikl_officiel pour venir nous rejoindre. Il y a Mikael qui dit, pouvez-vous me donner l'adresse exacte où vous serez dimanche prochain? Oui, on sera sur la place Stan à Nancy. On peut pas être plus clair, hein. C'est-à-dire que c'est la place Stan, c'est en plein milieu. La place Stanislas. La Stanislas, exactement. Voilà, donc s'il comme ça. Plaît. Exactement, tout près de la fontaine. Allez, Backermat, on écoute ça maintenant. La statue, exactement. Et c'est Vandak sur Fun. I have a dream. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio avec Lily, un message qui a envoyé ça sur le Twitter. C'est bon de vous entendre après une mauvaise journée. Un bisou à toute l'équipe. Merci Lily, gros bisou à toi. Il y a Fabienne qui dit I have a dream, que vous veniez à Nantes, la Dream Team avec le pipeau de Polo. Oui, écoute, on essaiera de passer, bien sûr. Alors en tout cas, c'est Nancy d'abord ce dimanche soir à partir de 17h sur la place Stan, tout près de la statue. On sera là, vous inquiétez pas, vous allez nous reconnaître, il n'y a pas de problème. On aura des cadeaux, des consoles, on va venir également avec des places pour Starfloor et puis il y aura les stickers également que vous allez pouvoir choper, bien entendu, sans problème, des stickers de l'émission. Samuel qui dit j'écoute depuis 2 jours et c'est que du fun. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît? Ça a l'air drôle, mais en bien cochon et bien sale. Un bien cochon et bien sale. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre? Oui, il y a celui-là qui était pas mal, mais il est pas vraiment sale, mais. Ouais, il m'habite sur ton front. Voilà, c'est sale. Sinon il y a ça. Tu es enculé, toi. Voilà, celui-là est pas mal non plus. Votre grand-mère est sus des nains. Voilà, ça c'était pas mal aussi à ce niveau-là. Il y a Mel qui dit salut, ma soeur découvre la radio, elle voudrait un message de bienvenue, please. Bien sûr. Et moi je veux baiser ta mère, non? Voilà, Mel. Et puis Martin aussi qui dit salut, Mickaël, je vous écoute depuis le début, j'ai jamais eu mon message de bienvenue. Allez hop, on leur fait un petit message de bienvenue. Tu dois te faire foutre et puis c'est tout, tu me casses les couilles, là. Voilà, Martin. Et puis Marine, message de bienvenue, s'il te plaît, et un coup de bazooka pour Toff. Allez, coup de bazooka dans la gueule de Toff, ça faisait longtemps. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Voilà, comme ça au moins tout est fait d'un coup, c'est plié. On en fera d'autres tout à l'heure évidemment. Et Kawet qui dit une fois qu'on sort du système scolaire, on prend conscience à quel point on était tout le temps en vacances à l'époque. Alors il y a quoi aussi, Yumi Closer qui dit pas écouté pendant 15 jours, je mérite un gros coup de pelle. Je te le confirme aussi ça. Allez hop, tiens. Et puis enfin Benji sur le Twitter toujours. Bonsoir toute la team. Désolé de pas avoir écouté hier. Coup de pelle dans ma gueule également, mais c'est ce que tu mérites. Hein. C'est bien parce que c'est maintenant eux qui le demandent. Donc c'est encore mieux comme ça. C'est encore mieux. On écoutera Ellie Goulding aussi dans quelques minutes. Ellie Goulding avec Burns sur Fun Radio, la belle blonde. Un tof. Qu'est-ce qu'elle me plaît. Ah oui, tu m'étonnes. Mais par contre, elle n'a aucune idée de ton existence. Hein. Ouais, je sais. Non, mais que ce soit clair. Hein. Bon, il est 23h20 sur Fun Radio. Je rappelle qu'il y a toujours le Facebook qui fonctionne, bien sûr. Tous ceux qui sont venus me faire un like un follow pendant la pub, je les ai followés également sur le Twitter. Donc allez-y, si vous n'êtes pas encore membre, vous n'hésitez pas évidemment, vous tapez mikl_officiel. Je vous attends avec impatience. Quentin qui est de retour et Romain également qui raconte sa vie. Salut Romain. répondre à Sandra. Elle est super sympa parce que j'appelle et tout, elle me fait, il n'y a pas de place. C'est Sandra, Romain, tu vas bien? Eh ouais, raconte sa vie. Ah mais elle est super gentille. Romain! Ouais, allô? Oh, mais dis donc, tu racontes ta life, qui Romain, là. Hein, Sandro, elle est super gentille. Hein, alors que tout le monde sait, évidemment, que c'est une grosse. Une grosse tout court. Non, j'allais dire quelque chose derrière, je me suis tué, regarde. Hop, voilà. Bon, Romain. Ouais. T'es en kiff sur Sandro ou quoi? Non, pas du tout, pourquoi? Oh, t'as envie de la pécho? Non. Tu veux que je t'aide? Pour la modique somme de 500 euros, tu peux avoir voilà. Rendez-vous avec elle. Pas de problème. Bon, Romain, tu voulais réagir à Quentin, toi, parce que lui, il a une phobie, c'est la peur de prendre l'avion, et il doit prendre l'avion bientôt pour aller à Berlin avec l'école. Et bah, du coup, il voulait avoir des conseils. Et toi, Romain, t'as des peurs ou pas? Est-ce que t'as des phobies? Alors, vous foutez pas de ma gueule. Mais ma phobie, non, mais attends, tu sais bien qu'on n'est pas comme ça. Mais oui. Ma phobie, c'est les trombones. Oh, le bouffon! C'est les trombones. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Non mais attends, t'es sérieux? Mais depuis que je suis petit, en fait, je focalisais sur ça et ça me faisait faire des cauchemars. Mais, donc, mais c'est sérieux, mais t'as peur de quoi dans une trombone, dans un trombone? Mais j'ai pas peur en fait, c'est à me fixer dessus, mais ça, quand j'étais petit, ça me faisait faire des cauchemars, donc depuis... C'est la folie ça. T'as vu Quentin? Ah, elle est bonne. Mais attends, non mais franchement, c'est pas une blague. Hein. Non mais je viens croire. L'instrument de musique ou le petit trombone? Non, le petit trombone, non, qui attache les pages, le les feuilles. Trombone. Ouais, le truc qui attache les pages les unes avec ça. Les autres, là. Mais c'est un truc de ouf. Et t'as déjà... Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un trombone? Mais... C'est pas que j'ai peur tout de suite, c'est le soir. Ça me fait faire... Je passe une mauvaise nuit, quoi. Ah ouais, ça c'est marrant. Ça. Effectivement, on me l'avait jamais faite. Ils veulent te manger? Ouais. Mais quand tu fais un cauchemar avec les trombones, ça se passe comment? Mais ça fait c'est gore quoi. Comment? C'est gore, enfin, ça se plante dans la peau et tout. Ah, il t'attaque carrément quoi. Ouais, voilà. Mais toi aussi t'es un peu attaqué, Romain, non? Ah ouais. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est... Bon, ok, d'accord, bah, écoute, c'est j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que c'est une peur originale, est-ce que Toff il a des phobies lui? Bof, non, j'ai pas de vrai... De se taper une bonne meuf. De se taper une bonne meuf. Ouais, ça aussi, ça j'ai vu. Il a peur. Ouais, il y a le vide, ouais. Et ouais, j'ai peur du vide, c'est-à-dire qu'en gros, dès que j'ai rien pour m'accrocher, c'est ça, parce qu'avec Polo, on lui avait offert un saut en parachute et il est redescendu avec l'avion. Voilà. Donc nous, on est descendu en parachute avec Toff, avec Polo, on a sauté. Et puis au moment où on atterrit, on se dit, bah alors, il est où cette tête de con là? Comme et puis on le voit sortir du hangar, en fait, il est revenu. Il est revenu à pied, en fait, enfin à pied en avion, et puis, bah non, mais il était en train de marcher, quoi. Il faisait pas. Combien mesure tu. Ah ouais, non, là, il faisait pas le malin. Je sais combien on n'y va pas. Ouais, c'est ça. Il y a Lily aussi qui dit le gars doit rêver d'une attaque de trombone géant trop fort. Wow, quelle phobie. C'est Kenny aussi sur le Twitter. Et puis Elodie qui dit un message de bienvenue, please. Ouais, on va pas en mettre toute la soirée les messages de bienvenue. Hein. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir. Un trombone peut-être, va savoir. Hein. Allez, on sait jamais. Bon, les autres, dites-nous si vous avez des phobies. Venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bah, merci Romain d'être passé. Je peux avoir un pack Lovin Fun? Lovin Fun non, mais un pack Fun oui. Ok. Bah et voilà, tout simplement, chacun sa place. Et je peux rester à l'antenne ou pas? Bah si tu veux, Romain, t'as pas la radio? Comment? T'as pas de radio? Ben non, je suis avec mon portable. Ah oui, forcément, c'est moins pratique. Hein. Bah, oui, on va te laisser une place, on va te laisser une place dans le standard, Romain. Par contre, c'est 5 euros la minute. Hein. Ah ok. Ah ouais, je plaisante. 5 euros la minute, c'est l'enculé. Il faisait la première semaine gratuite et après il saigne. Non, non, t'inquiète, Romain, c'est gratuit. Romain, mais merci à toi. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu restes dans le standard. Et puis, quand t'as envie de parler, tu nous dis. Et Quentin, reste avec nous. On va essayer de trouver d'autres personnes qui ont eu des phobies, d'accord? Ok. Bon, bouge pas de là, Quentin. On va également se faire le jeu du je t'emmerde dans quelques minutes. Mais avant cela, alors, les filles, je voulais savoir à quoi vous pensiez pendant que vous faites une gâterie à votre mec. Qu'est-ce qui peut vous arriver dans votre tête là? Vous pensez à quoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé un article qui reprend certaines de vos pensées et c'est pas super joli, hein, si je puis me permettre. Je pense à quoi alors? Genre, par exemple, pendant que vous êtes en train de sucer votre mec, je suis un peu dégoûté par les bruits que fait ma propre bouche, mais j'essaie de faire abstraction. Ça, c'était une première pensée. Arrête de me tirer les cheveux. Deuxième pensée, mais que vous ne dites pas, évidemment. Genre, troisième pensée, j'aurais dû attacher mes cheveux. Ils se coincent dans le bracelet de ta montre. C'est malin. Je t'avais dit d'arrêter d'appuyer ma tête. Aïe. Bon, voilà, j'ai fait mon job. On peut enchaîner avec une vraie partie de jambes en l'air, etc. Vu ta tête, ça veut dire non. Bon, bah, je vais continuer jusqu'à la fin. J'ai mal au cou. Ça fait bien 40 minutes que je suis occupé à la tâche, non? En fait, ça en fait que 7, évidemment. Zut, j'ai oublié d'enregistrer Plus belle la vie. Donc, très sympa, celle-là, cette pensée-là, pendant que vous sucez votre mec. Je suis une personne qui n'a pas de réflexe nauséeux. Ah bah si, au final. Et puis un bel sur trois a des problèmes d'éjaculation précoce. Eh bah pas mon mec, visiblement. Donc voilà, donc je voulais savoir à quoi vous pensiez les filles pendant que vous suciez votre mec. N'hésitez pas à venir nous en parler, évidemment, hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Alors comme c'est une question un peu particulière, n'hésitez pas, bien sûr, on peut changer votre prénom, votre ville, votre âge, on s'en fout. Mais c'est juste que je voudrais vraiment savoir en vrai, mesdemoiselles, à quoi est-ce que vous avez déjà pensé pendant que vous étiez en train de sucer votre mec. Voilà, venez nous en parler. Mais du coup, Tof pourrait appeler des gens pour poser des questions. Mais je, avec plaisir. Ça me paraît un bon plan, non? Mais évidemment. Ah ben, on va faire ça d'ici quelques minutes. Ça faisait 24 heures que je m'étais pas fait insulter. Écoute, effectivement, enculé de ta mère, dit. Bon, bah du coup, on va faire ça dans quelques minutes. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont plutôt du style chaud, hein, on peut dire ça comme ça, n'hésitez pas, bien sûr, à faire tourner le numéro de téléphone. Vous envoyez votre numéro, enfin le numéro de la personne qu'on peut appeler sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Benjamin et Damien, vous êtes là tous les deux? Ouais. Oui, parfait. Allô. Oui, allô, comment ça va? Okay. Ah, content, hein. Eh oui, attends, t'as une petite dédicace à Paris, hein. Oui, Paris qui a effectivement Zlatané Anderlecht, hein, ça c'est moi qu'on puisse dire 5-0. Ah oui. Ah oui, j'ai beaucoup d'amis à Bruxelles qui effectivement l'ont très mal vécu. Mais voilà. Bah oui, c'est ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux. Oh, la prochaine fois au match retour, ça ira mieux. Mais oui, à Paris. On leur mettra quand même 5-0. Ah oui, peut-être plus, hein, parce qu'à Paris, c'est... Enfin bon, on verra bien. Bon, allez, la prochaine fois, c'est Benfica, je crois que vous allez affronter les Parisiens, là. Ouais, c'est ça. Et là, je peux vous dire qu'on va mettre une patate. Ah oui. De toute façon, les trois matchs, on les a gagnés, donc pour l'instant, on est promis de la poule. Oui, on verra, on compte sur Cardozo. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, évidemment. Du football, on va jouer au... Je t'emmerde. Oh oui. Je t'emmerde. Eh oui, on va jouer au je t'emmerde dans quelques minutes. Bon, Benjamin, Damien, vous allez vous affronter. Alors, Benjamin, t'appelles de l'Hérault, toi, c'est ça? Oui. Voilà, et Damien, t'appelles de Villeneuve-Toulousaine, dans Haute-Garonne. De tout près de Toulouse. Bah pourquoi vous suivez Paris Saint-Germain alors? Il n'y en a aucun qui est de Paris. Moi je suis de Paris, je suis en vacances là. Ah d'accord Benjamin, très bien. C'est bon, la région parisienne. On va jouer au je t'emmerde dans quelques minutes, vous connaissez le principe? Ouais, oui. Bon, il y a des places à gagner pour le parc Astérix. Et puis bah il y en a 4 évidemment, vous allez pouvoir aller quand vous voulez. Notamment pour la peur sur le parc, hein, si vous voulez dès maintenant là, pendant cette période de Toussaint, d'Halloween, tout ça. Mais il va falloir d'abord y performer. Peut-être aussi bien que Zlatan, allez savoir. Mais en tout cas, il faut performer. Dans quelques minutes, juste après le son d'Eli Goulding, on va appeler des gens au hasard. Benjamin et Damien, vous allez vous affronter. On appelle des gens au hasard. Il faut placer un maximum de je t'emmerde dans des conditions les plus naturelles possibles. Donc pas des je t'emmerde. Évidemment, il faut faire des phrases et que les conversations soient la plus logique possible. D'accord? D'accord. Et celui qui arrivera à placer le plus de je t'emmerde, évidemment, repartira avec les 4 en place. Benjamin et Damien, ne bougez pas, on revient juste après. Le son d'Eli Goulding avec Burn sur Fun Radio. Et on va juste après aussi, avec Faustin, refaire un tour du côté de la colle sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, allez, bonne soirée en tout cas déjà, hein, dans un premier temps, 23h29. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Venez nous rejoindre également Facebook et Twitter, tapez M-I-K-L officiel, je vous attends. We don't have to worry about nothing. Sur Fun Radio, c'était Ellie Goulding, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limite, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio avec Clotilde qui envoie un message qui dit moi j'ai la phobie de ma soeur et les étiquettes des vêtements, couettes, etc. Elle flippe comme une malade. Il y a Let's Be Freaks qui dit moi pendant une fellation je pense au plaisir que j'aurai après, c'est pas mal. Et Kidzy qui dit les mecs qui sucent les mecs, on peut intervenir, bah évidemment Kidzy, évidemment. Let's Be Freaks qui dit j'ai peur des poissons, même des poissons rouges, ça c'est bien débile. Et alors Megumi qui dit lol le coup de plus belle la vie. Oui parce qu'on est on est tombé sur une enquête qui dit que. Qui veut savoir à quoi vous pensez les filles pendant que vous êtes en train de faire une fellation à votre mec. Et dans les trucs les plus souvent donnés, il y avait merde, j'ai oublié d'enregistrer Plus belle la vie. Et donc il y a Megumi aussi qui dit moi je pense à me concentrer, c'est bien aussi. Et Amel qui dit moi ma phobie c'est les araignées. On parle des phobies, on parle de ce que vous pensez les filles pendant que vous êtes en train de faire une fellation à votre mec. Et donc bah du coup on va appeler des gens pour voir ce qu'ils pensent. Mais allons-y. Bah, on y va, c'est parti. Allez hop, on appelle le premier. Merci pour tous ceux qui ont balancé leur numéro. Enfin, hein, les numéros de gens qu'on peut éventuellement appeler, hein, des gens que vous connaissez, qui sont encore debout bah, à cette heure-ci, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, on y va. Allons-y. Allez, je suis prêt. C'est parti, on fait le premier appel, on récupérera Quentin dans quelques minutes. Et puis on va aussi faire le je t'emmerde. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle pour savoir si vous saviez à quoi pense votre femme quand elle vous suce. Ah, ben ça a été rapide. Ça a même été très rapide. Le premier a été très rapide. On va donc rappeler encore un coup. Ah, il fut... Bref, expédié, on peut dire. Allô ? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Quoi ? Ben non, je vous demandais si vous saviez à quoi pense votre copine quand elle vous suce. Elle pense à ta mère, fils de pute. Je crois pas, monsieur. Ah si, apparemment, ouais. Apparemment, ouais. Encore un nouvel ami, tiens, voilà. Oui. Ah, tous ces amis, je ne sais même plus quoi en faire, Benjamin et Damien. Peut-être qu'on tombera sur de nouveaux amis dans quelques minutes, dis donc avec vous, Benjamin et Damien. Hein. Ouais, j'espère. Ah bah, ce serait bien. Bon, on va faire le jeu du je t'emmerde maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Voilà, c'est parti. Le je t'emmerde donc, comme je le disais, Benjamin, Damien, vous allez vous affronter pour tenter de repartir avec votre vos quatre places pour le parc Astérix et peur sur le parc. Bon, et vous d'ailleurs vous trouverez peut-être Toff en mode citrouille, hein. Si vous voyez la plus moche citrouille, ce sera lui dans le parc. N'hésitez pas à lui donner un petit shoot dedans, n'hésitez pas. Bon, Benjamin, Damien, on va y aller, qui veut commencer? Je sais pas. Bon, je laisse la place à Damien. Oh, quelle gentillesse, Benjamin. Qu'est-ce qu'il est bon ce Benjamin quand même. Bon, à gagner ce soir, j'ai juste la place quand même. T'inquiète, attends Benjamin, attends. Tu es en train de te la ramener. Bon, Damien, on va y aller donc. Premier appel maintenant, vous avez droit à deux appels chacun. D'abord Damien, ensuite Benjamin. Et après on fait la suite des appels, d'accord? On y va, d'accord. Le principe donc, évidemment je le répète encore un coup, discuter avec quelqu'un qu'on va appeler totalement au hasard. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un jeune, un vieux. Peu importe, je ne sais pas du tout où on va. Et le principe évidemment c'est de placer un maximum de je t'emmerde pendant la discussion. Discussion ne veut pas dire évidemment placer un maximum de je t'emmerde les uns après les autres. Genre je t'emmerde, ça ne comptera pas. D'accord ? D'accord. Bon, d'accord. On y va. Non mais je préfère parce que parfois on me dit ouais mais tu prends vraiment les gens pour des cons. Mais oui mais on a déjà eu des coups, des cas où effectivement j'ai tout expliqué et après c'est ouais je t'emmerde. Bon bah je comprends pas. Ouais. Pourtant on avait bien expliqué le concept mais visiblement ça n'a pas été compris. Donc je préfère préciser. On y va Damien, c'est parti, t'es le premier. D'accord. Dès que t'entends plus la musique, c'est que tu dois dire allô. D'accord ? Ouais, d'accord. Allez Damien. On y va, bonne chance. Allô. Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est parce que moi j'ai envoyé des textos à ma soeur. Ah non, c'est pas moi. Vous avez envoyé des textos à ma soeur et vous avez dit je t'emmerde, sale petite merdeuse. Non, c'est pas moi. Mais si, c'est vous. Attends, c'est pas moi parce que j'ai un fixe et je peux pas vous envoyer un bout de fil. J'avais écrit je t'emmerde, cette petite merdeuse, car je t'emmerde, bon, je t'emmerde à toutes. Et vous avez dit ça? Non, ce n'est pas moi. Pourtant si, vous m'avez dit ça. Bon, je vous dis que c'est pas moi, j'ai un fixe. Là, vous m'appelez, ouais, vous me réveillez, vous réveillez mon fixe. Vous avez appelé le fixe? Non, je n'ai pas. J'ai un numéro de fixe. Bon, si, vous avez écrit, je t'emmerde, sale petite merdeuse. Je t'emmerde, bon, je t'emmerde à toutes. Je sais pas si c'est vous ou pas, mais c'est pas bien. Non, ce n'est pas moi. Je vous répète que ce n'est pas moi. D'accord? Vous vous trompez de numéro. Pourtant, si, c'est bien vrai. Je vais vous laisser. Je suis fatiguée. Bonne soirée. Au revoir. Et je t'emmerde, attendez. Eh ben voilà, hop, 1:07. Et alors, combien de je t'emmerde? 7, c'est pas mal Damien, c'est pas mal. Elle avait une bonne voix hein. Ouais. Ah ouais, elle était pas mal hein. Ah putain, elle dormait, bien fait là. Un petit chiffre de lettres. Ouais bah ouais mais non là malheureusement c'est pas le jeu. Bon Damien, 7, Benjamin faut battre le 7 là hein. D'accord. Allez on rappelle, c'est parti, bonne chance Benjamin. Et hop, allez. On y retourne. Vas-y Benjamin, dès que la musique s'arrête c'est que c'est à toi, tu dois dire allô. Allez. Oh, ça va 7, c'est battable. Non. Ouf. Allô. T'as gagné. Allô. Oh merde, en anglais. Allô. Who are you Oui. Bonsoir. Vous m'avez appelé? Who? Vous m'avez appelé? Vas-y, balance des ordres. Je t'en mets du coup, oui. Do you speak English? No, dis je t'emmerde. Pourquoi vous m'avez appelé en me disant je t'emmerde? Vas-y, profite. Fallait m'envoyer un texto plutôt de me dire je t'emmerde comme ça. Allô? Allô? Non, mais parce que vous me dites je t'emmerde, mais des je t'emmerde et comme ça, à longueur de message, voilà quoi. Je veux dire je t'emmerde, ça le fait pas trop quoi. I don't understand, I'm sorry. Vous me dites je t'emmerde, mais moi si je vous dis pas je t'emmerde, c'est pourquoi vous me dites je t'emmerde. C'est ça que okay, je comprends pas. I don't speak French. Yes, mais dites-moi pas je t'emmerde. I don't speak French, I'm sorry, bye. Ah, je t'emmerde. Ah, elle avait une bonne voix aussi, elle, hein, ouais. Une bonne voix ricaine, là, oh là là. Bon, ça nous fait combien, ça, alors? Ça nous fait 12, mais il aurait pu en faire plus, hein. Ah ouais, t'aurais pu en faire plus, Benjamin, t'as mal démarré, là. Au début, t'aurais dû en enquiller, là, une chier. Au début, je croyais qu'elle avait raccroché, c'est pour ça. Ah non, elle était là. Bon, Benjamin, ça en fait 12. Damien, 7 seulement. Attention, le battle va revenir dans quelques minutes. Vous restez là, les gars? On est là. Bon, vous avez droit à votre deuxième tentative juste après et on gardera évidemment le meilleur score. Donc Damien, si tu fais plus que 12 et que bah, au prochain appel Benjamin en fait 12 ou moins, bah, c'est toi qui gagne. Donc on y va dans quelques minutes, Benjamin et Damien, restez là. Et puis je vous cale aussi le son de Basto, Dance With Me sur Fun Radio. Et avant ça, on refait un coup de colle avec Faustin. Allô Faustin? Ouais. Bon, vas-y, répète. Alors, la colle pour gagner la Wii U, la console que je vous offre ce soir avec les deux jeux de Legend of Zelda et Super Mario 3D qui ne sortira que dans un mois. Vas-y, on t'écoute, Faustin. Si on me laisse, je ravage et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Très bien. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, si on me laisse, je ravage et si on me donne à boire, je meurs. On proposait les Gremlins. Non. Un pénis, c'est Thomas. Non. Un extraterrestre. Non. Un océan. Non plus. La fleur. Non plus. Un volcan ou la soif. Toujours pas. Bon bah allez-y. Vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Tu ne bouges pas de là, Faustin, on te reprend dans quelques minutes. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi participer évidemment directement sur le Facebook, facebook.com/M.I.K.L. officiel. La suite du je t'emmerde, c'est juste après. Un truc à dire. M.I.K.L. Appelez M.I.K.L. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Michael No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct évidemment sur Fun Radio, là c'est parti, c'est la nuit sans pub. Maintenant plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio tout à l'heure à partir de 6h sur Fun Radio. On aura évidemment avant ça l'imitation de Bruno tout à l'heure avec notre ami JB. Hein, ah oui, à 2h du mat bien entendu. Moment exceptionnel. Hein. Ah, moment exceptionnel, je vous le confirme, donc soyez bien là. Et puis en attendant évidemment on est ensemble avec dans quelques minutes la suite du battle entre Damien et Benjamin pour le jeu du je t'emmerde. On aura Faustin avec la colle. On va reparler encore évidemment là de la phobie avec Quentin qui a la phobie de prendre l'avion en l'occurrence, et puis Maxime qui voulait donner son avis. On fera encore d'autres appels également avec Toff hein, pour savoir à quoi vous pensez les filles quand vous sucez votre copain. Avec plaisir. Et j'aimerais bien vous avoir au téléphone, mesdemoiselles. Donc appelez-nous, faites pas les timides, vous pouvez même changer votre prénom, votre ville, votre âge si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais à quoi est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser quand vous étiez en train de sucer votre copain ou votre copine, enfin en l'occurrence votre copain? Eh ben à vous de nous dire. Voilà, vous envoyez simplement votre message, vous appelez simplement Sandra au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous attend. 23h47 sur Fun Radio et on va s'écouter le son de Basto maintenant. C'est Dance With Me sur Fun Radio. Je vous rappelle également qu'on sera à Nancy, ne loupez pas notre passage, hein, ce sera à Nancy, Plastan, à partir de 17h dimanche soir sur Fun Radio. Donc on vous attend, on aura des consoles à vous offrir et des places pour Starfloor. On vous attend nombreux, on écoute Basto, Dance With Me maintenant sur Fun. Why don't you dance with me? Prenez le contrôle. Envoyez envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Eh ben oui, n'hésitez pas, vous débutez le message par Mickaël pour envoyer tous vos messages évidemment. Et puis Mathias qui dit les devoirs sont plus drôles quand on écoute en même temps, surtout avec des exos de physique. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Après, le problème des réponses. Bah c'est vrai, très bonne, c'est pas quoi. Toujours bon. Bah c'est ça, il y a Marc-Alexandre qui dit Mickaël, c'est le genre de type qui nous fait aimer la nuit. Avant la nuit c'était la nuit, maintenant c'est de la pure rigolade. Bah écoute, merci Marc-Alexandre. Lucas qui dit Tof, tu peux démarrer ta mob s'il te plaît. Ah oui, bah oui, oui, attends, la mob il va falloir la chercher d'abord. Alors, c'est bon là, la mob là. Il y a de l'essence, c'est bon. Ouais, l'essence est mise apparemment, c'est bon là. Mais... voilà. Voilà, tout est là pour la mobilette de Toff, y a pas de problème. Stéphanini qui dit Britney n'est rien sans DJ Mimi. Ah bah oui, mais pas tout le temps Stéphanini. Il y a Jetal aussi qui dit trop fort le jeu du je t'emmerde. Et bah d'ailleurs on va le continuer le jeu du je t'emmerde là. Je t'emmerde, yo, je t'emmerde, né, je t'emmerde. Eh oui, jeu du je t'emmerde avec Benjamin et Damien. Benjamin qui a réussi à placer 12 je t'emmerde, alors que Damien n'a réussi à en mettre que 7. Damien, Benjamin. Ouais. On va continuer, Benjamin, cette fois-ci c'est toi qui va commencer. Ok. Voilà, à toi de tenter de battre ton propre record. Et puis Damien ensuite prendra le relais et essaiera de battre ton record afin de gagner les 4 places pour le parc Astérix. On y va, on remet le couvert, c'est la deuxième manche maintenant. Et donc le principe, placer un maximum de je t'emmerde dans des phrases les plus logiques possibles. C'est parti Benjamin, dès que t'entends plus la musique, c'est que tu dois dire allô. Allez hop. Tu as le relais. Allô. Allô, allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est pour une soirée spécialité Je t'emmerde party, et en fait vous êtes invité. Donc si ça vous dit de venir à la Je t'emmerde party, ce sera le week-end prochain à Nice, à Paris et dans d'autres villes de France. Donc si ça vous intéresse, Je t'emmerde party. Hop là, too late. Alors combien? Deux. Deux, Benjamin. Ridicule. Heureusement que t'as fait 12 juste avant, hein. Benjamin. Ouais. Ah bon, ouais, je suis là. Il est dégoûté. Ah oui, oui, je pense, ouais. Bon, Damien. Ouais. Bon, ça va, hein. Là, il faut battre 12. La balle est entre tes mains, hein, maintenant, Damien. Hein, toi de jouer. Ouais. Ça abaisse. Tu crois qu'il va y arriver ou pas, Benjamin? Tu crois qu'il va y arriver ou pas? Ah, je sais pas, mais là je croise les doigts pour qu'il y arrive pas. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Bon, Damien, allez, c'est parti, à ton tour. On appelle, le je t'emmerde, c'est la suite. Si tu fais plus de 12, tu gagnes. Et si tu fais 12, on remet le couvert et on recommence. Allez, c'est parti. Dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi. Allô. Allô, bonjour. Oui. Excuse-moi de vous déranger. Excuse-moi vous avez envoyé des textos à ma soeur? Non. Là, il y a écrit je t'emmerde dessus. Comment? Excusez-moi, vous avez envoyé des textos à ma sœur. Vous avez écrit je t'emmerde dessus. Non, non, non, vous trompez. Attendez, monsieur. Attendez, je demande à ma sœur. Non, ok, passe pas son portable. Bon, voyons voir. Il y a écrit sur son portable, je t'emmerde, seul petit. Mais là, vous êtes pas sur un portable, vous êtes chez moi dans le... Et alors, je t'emmerde. Alors, je t'emmerde encore, je t'emmerde, ouais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire là, je t'emmerde deux fois, mille fois, je t'emmerde encore. Alors, non, attendez, vous vous trompez là, monsieur. Je sais pas qui vous êtes, mais vous téléphonez chez moi. Je t'emmerde. Mais j'ai pas laissé de message à votre soeur, je vous connais pas. Alors c'est quoi le je t'emmerde qui est dessus, hein? Je t'emmerde, cette petite merde, je t'emmerde encore. Mais vous me téléphonez sur mon fixe, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment vous avez mon numéro? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ce numéro, c'est là où vous avez envoyé ma sœur. Mais quand on voit le texte à ma sœur, le numéro s'affiche. Mais quel numéro vous avez? Un numéro. Bah, oui, mais donnez-moi le numéro. J'ai jamais envoyé de texto à votre sœur. Mais si, j'ai envoyé des messages à ma sœur, je t'emmerde. Pour le numéro, je t'emmerde. Alors je t'emmerde encore une fois, tu l'auras pas, je t'emmerde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Et alors, là, vous êtes chez... Non, mais arrêtez avec ces histoires. Mais je t'emmerde. C'est ça, c'est des messages à ma sœur, là. Alors je t'emmerde. On peut arrêter là, il est à 20. J'ai jamais envoyé de message à votre sœur, je sais pas qui vous êtes. Pour le record, je lui laisse encore 10, bah, 10, 15 secondes. Mais j'en sais rien, je sais pas de quoi vous me parlez, monsieur. Je sais pas de quoi vous me parlez, mais il est tard, je suis chez moi et j'ai jamais envoyé de texto à qui que ce soit. Ne me prenez pas pour un taré, écrit, je t'emmerde, cette petite merdeuse. Je t'emmerde encore. Je t'emmerde à toutes. C'est quoi? Eh ben voilà, elle est partie. Bon, Benjamin. Ouais. Alors, Tof, ça fait combien là? Ça fait 23! Eh ben bravo! Eh ben voilà, bah, Damien, c'est gagné hein? Ouais. Eh ben voilà, pas mal avec ta voix de merde là. Hein? Je vais envoyer un texto à ma soeur. Ouais. Bon, eh ben bravo à toi, Benjamin, pas trop dégoûté? Ouais, bah un peu hein. Ah bah là il t'a humilié là. Là il t'a humilié. C'était un peu le match PSG Anderlecht là ce soir. Ouais, c'est normal. Ah ouais. Bon, c'est, bah, c'est pas grave. Bon, bah Benjamin qui se l'a ramené au début là, tu vas quand même repartir avec un pack fun, d'accord? Ouais, est-ce que je pourrais parler à l'antenne? Bah t'es là, Damien. Est-ce que je voudrais partager un truc? Qu'est-ce que tu vas faire, Damien? Parce qu'en ce moment je fais des canulars. Ouais. Et je fais des montages vidéo en fait. Ouais. Et la plupart des canulars, je les ai faits par téléphone. Ouais. Et surtout, il y a un demi-canular, il s'appelait le service DPD, et ça a fait tuer mineur, dégage. Mais je comprends rien de ce que tu racontes, Damien, là. Mais est-ce que tu pourrais m'envoyer éventuellement, envoie-les-moi sur mon mail? Ouais, c'est quoi le mail? mikl@funradio.fr, Damien. Attendez, je note. Ah bah, mikl@funradio.fr. Attends, déjà, je cherche ça. Alors, cherche bien. Damien, Sandro va te dire hors antenne l'adresse mail, ce sera plus facile. Bon, bah, Benjamin, toi, tu repars avec, tous, du coup, forcément, le pack fun. Damien, toi, tu repars avec les 4 places pour aller au parc Astérix. Et puis, bravo à vous, en tout cas. On remet le couvert la semaine prochaine hein, pour jouer, évidemment. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous inscrivez en appelant Sandro au standard 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Avant de récupérer Faustin pour la colle, eh bien, retour avec Quentin maintenant. Allô Quentin. Allô. Très bien, Quentin qui est de retour donc de la Sarthe, qui a une phobie, c'est la peur de prendre l'avion. Le problème c'est que bah la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? Non, c'est dans un mois. Dans un mois. Est-ce que tu peux parler, t'as le temps de te préparer. Et c'est tous les auditeurs sont comme ça ce soir ou il se passe quoi? De quoi? Mais j'ai l'impression qu'ils parlent tous dans leur dans le avec leur téléphone, mais en dessous dans de la leur gorge. Couette. Ah mais ça doit être ça ouais. En dessous de la couette. Quentin? C'est pas ça, c'est parce qu'il y a mon petit frère qui attend de dormir. Ah d'accord, ok, très bien, le petit frère dort, très bien. Bon, donc du coup tu vas partir à Berlin avec l'école, tu vas prendre l'avion et t'es en panique. Alors il y a Maxime qui est avec nous également de Loire-Atlantique. Salut Maxime. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Bah ça va tranquille Maxime, là sois le bienvenu. Alors, tu voulais réagir à Quentin, toi aussi t'as des phobies ou pas? Ouais, j'ai une grosse phobie, j'ai la phobie des coccinelles. Ah oui, grosse phobie. Ouais. Ah ouais, c'est du très lourd ça, la coccinelle, hein, très très lourd. Mais comment ça, des coccinelles, c'est-à-dire? Bah en fait. T'as peur de quoi, ça que je voulais dire? Bah c'est l'animal quoi, en général. Non mais d'accord, mais t'as peur qu'elle te fasse quoi la cox? Bah je sais pas, mais c'est dès que y en a quand j'en vois une, bah je sais pas, je panique et je pars en courant. Non. Une coccinelle et des guêpes et des abeilles, t'as pas peur? Non, pas tellement. Non, mais t'es sérieux, la coccinelle, elle fait rien, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Elle est gentille. Ah oui, mais oui. En fait, j'ai été traumatisée depuis tout petit. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'étais avec mes grands-parents et tout, et puis, bah, il y avait ma grande sœur. En fait, il y avait une boîte en bois, et il y avait une coccinelle dedans qui bougeait un petit peu et tout. Bah, c'était un truc en bois, et elle m'a foncé dessus, puis elle me l'a pointé au visage, et depuis, j'ai été choquée. Mais c'est incroyable. Et bon, en même temps c'est moins dramatique parce que tu croises pas des coccinelles tous les jours non plus quoi. Ouais c'est ça. Bah oui, non mais c'est ça, voilà. Bon et donc du coup tu fais rien contre ça? T'as pas essayé de débarrasser de cette phobie? Bah si, chaque fois que j'en vois une, maintenant je l'écrase. Oh mais non Maxime, pauvre coccinelle, elle a rien demandé. Tiens, il y a un message de Patrick qui dit trop fort, le gars là, il a géré avec le je t'emmerde là, chapeau à lui, il a géré. Il y a Théo qui dit qu'il pète de rire, Mickaël, j'aimerais bien qu'il y ait un message de bienvenue pour Chris là. Oui si tu veux Chris. Attends, je te le remets ton petit message de bienvenue. Je veux plus avoir de nouvelles de te comprendre. Voilà Chris, je pense que le message est passé. Trop fort, il gère avec le je t'emmerde. Il y a Antoine qui dit je veux mon message de bienvenue également là et que Toff brûle avec plaisir. T'as compris, le plus de pute. Voilà. Que de violence. Mais oui, va chez un psy, c'est Tom McLeod qui avait envoyé le message sur le Twitter là. Non, peut-être pas pour pour si peu, mais bon. Ça reste bizarre quand même, les coccinelles, mais oui, quoi. C'est ouais, sympa comme tout. Il y a Mathias qui dit, je crois, il a vu le film La Coccinelle. Est-ce que tu as vu La Coccinelle? Non. Ah, écoute, ne regarde pas alors, hein, parce que Choupette pourrait faire peur, la coccinelle, justement. Tu pourrais faire du mal. Y a Léa qui dit, Mickaël, ma phobie à moi, ce sont les jeux de stress, mais j'y joue quand même. Slender, Amnésie, etc. Il y a Olivier qui dit, ça y est, Mickaël, en top tweet. Ah, bah, merci beaucoup, tout le monde. Maxime également qui dit, ma phobie est tof, mort de rire lorsqu'il crie, ils ont tué les deux, ils ont tué les deux. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça peut effectivement faire peur. C'était dimanche. Oh non, c'était lundi, jeudi dernier, quand jeudi, on a fait le canular. Ouais. Allô, ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Bah d'ailleurs dites-nous si vous voulez qu'on vous le remette à l'occasion, ce canular là, on s'était tellement marré la semaine dernière, donc si vous voulez le réécouter, vous nous demandez hashtag et Mickaël pour le remettre quand on avait fait un espèce de braquage dans un appartement et c'est parti dans tous les sens. David qui dit moi j'ai peur des poupées, il y a Quentin également qui dit j'ai pas de phobie mais je déteste les serpents et les araignées. Brittany qui dit moi j'ai la phobie des araignées. Quentin qui dit après le retour de la momie, le retour du trombone. Ah oui, parce que nous avions également Romain tout à l'heure qui avait lui peur des trombones. Et alors Mathias qui dit émission faite en mode freestyle, que du bonheur de vous retrouver les tarés, bah merci, en tout cas on est content de vous retrouver aussi bien entendu. Et Didier qui dit si tu tweets pas Mickaël, je t'attache derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriani. Et c'est une bonne idée Didier. Et puis Charles également qui dit mon pote et moi on vous écoute pour la première fois, message de bienvenue s'il vous plaît. Comment tu peux écouter pour la première fois et savoir qu'il y a des messages de bienvenue? C'est bizarre, hein, c'est un peu bizarre ça, hein, mais bon je t'en mets quand même un tiens, petit message de bienvenue. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Ah, t'en as eu un maintenant, hein, faut pas, il fallait réfléchir avant, c'est aussi simple que ça. Bon, Maxime. Oui. Bon, au niveau des phobies, t'as que celle de la coccinelle? Bah non, enfin j'ai une petite aussi phobie des araignées, mais bon, ça y ouais, mais c'est juste, est-ce que c'est une phobie? Parce qu'il faut pas confondre juste avoir peur des araignées ou de n'importe quoi et vraiment avoir la phobie. La phobie, c'est vraiment tu pètes une durite quand t'as l'insecte, enfin quand t'as ce dont tu as peur devant toi ou à proximité de toi, tu vois. Tu vois, les araignées, moi je suis pas fan des araignées non plus, mais j'en ai pas la phobie. Si j'en vois une, bah je vais peut-être me saisir et après, ben tu sais, je la tue ou je la fous dehors. Mais je vais pas sortir de la maison et abandonner la maison, tu sais, de peur que l'araignée soit encore dedans, tu vois. Non, moi c'est pas forcément dans ce style-là. Je comprends rien à ce que tu me racontes, Maxime. Voilà. Parle le téléphone un peu plus loin de ta bouche. Et en fait, dès que j'en vois une, bah je pète un câble et donc je m'énerve et je l'écrase direct et après je pars en courant. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, pourquoi pas. Non mais c'est bien. Il y a aussi quoi? Moi j'ai eu peur des clowns. Il y a Sayoroka qui dit j'ai la phobie des cons, désolé Tof, j'ai peur de toi. C'est pas grave, je compatis. Ouais, Gabriel qui dit moi j'ai la phobie des villepattes et des scolopendres. Et alors aussi Keltia qui dit coucou l'équipe, je pourrais avoir un message de bienvenue, vous êtes les meilleurs là. Jamais sans dormir, sans fun. Eh bien tu fais bien évidemment ton message de bienvenue, je peux te le mettre évidemment avec plaisir. Va te faire enculer au PD, va. Voilà, ça y est, c'est fait. Oh, merci tout amour, en tout cas. Mais oui, merci Maxime d'être passé. Est-ce que je pourrais avoir un petit cadeau? Oui, bah tu vas gérer ça avec Sandro. Sandro, on va t'envoyer un petit pack, Maxime. Ok, ça marche. Salut, à bientôt Maxime. Salut, tout le monde. Ciao. Quentin, reste avec nous. Si vous avez aussi des phobies, venez nous en parler. 01 42 48 5000. On va parler de fellation dans quelques minutes avec Marie. Et puis Faustin également avec nous. Là, Faustin, t'es de retour? Ouais, ouais. Parfait. Allô. Je rappelle qu'il y a toujours la Wii U à gagner. C'est la console Wii U avec deux jeux. Il y a évidemment le jeu de Legend of Zelda. Et en plus de ça, je vous mets un jeu qui ne sortira qu'à la fin du mois de novembre. C'est le jeu Super Mario 3D. Alors, pour le gagner, c'est facile. Il faut répondre, eh bien, tout simplement à la colle de Faustin. On t'écoute, Faustin. Si on me laisse, je ravage. Et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Alors, si on me laisse, je ravage. Et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? C'est bien ça? Ouais. Bon, à vous de jouer, hein. Vous envoyez simplement M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et alors, ils ont proposé le Grinch? Non. Non, une abeille? Non. Du sel, c'est Rodolphe? Non. Le sperme? Non plus. Non, du magma? Non. Il y a Héloïse qui proposait c'est quoi? Abiba? Non. Ah non, c'est Héloïse, pardon, qui proposait. Moi j'ai la phobie des clowns, mais c'est autre chose ça. Bon, donc pas de bonne réponse parmi ces réponses là alors. Bah non. Bon, bah à vous de jouer. Alors si vous voulez donner la réponse, n'hésitez pas, Faustin l'a proposé. Si vous trouvez la bonne réponse, vous repartez avec la Wii U et les deux jeux. Si personne ne trouve, c'est Faustin qui repart avec. Si on me laisse, je ravage. Et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? C'est bien cela? Ouais. Allez, bah à vous de jouer maintenant. Vous envoyez vos messages, donc tout simplement M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et puis on va s'écouter en attendant le son de Crewella maintenant sur Fun Radio avec Live for the Night. Et juste après, on parlera fellation avec Marie. On appellera encore des gens au hasard. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun, minuit 9. On est là jusqu'à 2h du mat avec plein de messages qui arrivent aussi. Il y a Saï Aouroka qui dit aussi j'ai la phobie de me retrouver sans PQ dans les toilettes et c'est vraiment sérieux. Obligé de regarder s'il y en avait avant de chier. Ah bah oui, c'est clair. Il y a Marc qui dit moi j'ai une phobie des merdes sur les voitures blanches. Ah le con. Non, parce que hier, il y a un mec, comme j'ai une caisse blanche, il y a un mec, enfin un mec ou une meuf, j'en sais rien, mais en gros qui a foutu un espèce de papier journal. Froissé, il y avait de la merde dedans, il a foutu ça sur ma caisse, il y en avait partout, c'était une horreur. Il y a Guillaume qui dit Mickaël, phobie des araignées, j'ai attendu 2 heures hors de chez moi en attendant qu'un pote vienne l'écraser la bête. Non mais t'es sérieux Guillaume? Ah, moi j'ai une copine dit... c'est pareil hein, c'est-à-dire ouais, que s'il n'y a pas quelqu'un qui vient la tuer, elle rentre pas chez mais elle. C'est hein. Un truc de ouf. Il y a Arnaud qui dit moi j'ai la phobie de ne pas pouvoir écouter Mickaël. Et bien après Licorne en chef qui dit moi j'ai la phobie des lampes torches. Des lampes torches, mais n'importe quoi. Phobie des chenilles pour Marlus qui avait envoyé son message sur le Facebook de l'émission. Bah venez nous rejoindre également Facebook et Twitter. Vous tapez M-I-K-L underscore officiel sur Twitter et M-I-K-L officiel tout court. Enfin, en un mot, je veux dire, sur le Facebook de l'émission. Bon, on va récupérer Marie dans quelques minutes. On va parler également des phobies. Marie, t'es là? Oui, allô, je suis là. Comment ça va, Marie de Montpellier? Ça va, merci. Bon. On est deux. Ah, vous êtes deux, c'est qui l'autre? Voilà, l'autre, c'est Kaoutar. C'est comment? Kaoutar. Kaouta, d'accord, ok, très bien. Bah, bonsoir, les filles de Montpellier. Faites salut, quoi ce soir, les salut. Filles? Ça va? Bah ça va, et vous? Bah tranquille hein. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bah on va sortir là. On va sortir ouais. Ah vous allez sortir, très bien. Vous allez aller où à Montpellier? À Montpellier on sort. Bah oui, ouais, oui, oui, bah oui. Je sais bien, ouais, je sais mais... bien, on a déjà été. Marie, combien mesures-tu? Combien je mesure? 1m74. Combien pèses-tu? Ah ouais, ça culmine hein. 59 kilos. Waouh. Quel est ton tour de poitrine? Mon tour de poitrine, c'est trop gros pour toi, tu peux pas dire. C'est pas grave. Fais-moi rêver. Je t'ai rêvé? Oh là là! Attends, c'est pas un double décimètre là! Alors combien c'est? D? Non, je fais 10 C. 90? Non, 95. Ah ouais! Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Bah quoi? Le dernier pantalon que tu as acheté, quelle taille? Mon pantalon c'est un 36. Ah oui! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Ah bah oui Marie. Ah bah oui. Ah bah oui. Vu le descriptif. Pas les là. Meufs à Montpellier. Hein. Ah bah ouais. Mais de toute façon on a déjà été à Montpellier, on sait qu'elles sont mignonnes à Montpellier. T'inquiète pas. Elles sont juste parfaites et tout. Ouais. C'est vrai. Enfin bon. Bon Marie, avant qu'on fasse quelques appels, alors tu penses à quoi toi quand tu suces ton mec? Enfin ton mec ou un autre, un peu importe mais. Ouais, c'est un peu tout le monde ici en fait à Montpellier. Bah c'est ça, on a bien remarqué. Hein, tous les mecs sont les mecs de tout le monde. Bah alors est-ce que c'est parmi le sondage là, tu sais, des meufs qui disent ouais bah je suis un peu dégoûté par les bruits que fait ma propre bouche, j'ai mal au cou. Je suis d'accord. C'est Kaouta qui dit ça. Ah c'est Kaouta qui dit donc le bruit de la bouche, vous avez pas les. Ouais c'est horrible. On s'entend le faire, c'est horrible. Et qu'est-ce que vous pensez à quoi? Ça vous est déjà arrivé de penser à quoi en particulier? Oula, moi j'ai un peu pensé à mon ex une fois, mais c'est pas terrible, donc pas. Attends, t'étais en train de penser de sucer ton mec et tu pensais à un autre? Ouais c'est ça. Ah bravo, merci, la classe, classe Marie. Ah ouais Marie, bravo hein. Elle est bien la petite Marie, je l'aime bien moi. Ah ouais, Marie elle est cool ouais, Marie elle est bien. Et ok, mais genre tu pensais à l'autre, mais pourquoi? Genre c'était mieux avec lui ou c'était moins bien avec lui ou c'était plus gros? Non je pensais que c'était plus gros, c'est tout. Ah, bien, s'il savait, il serait heureux le mec. Putain, il devait être content le mec. Enfin, en même temps, il ne savait pas, tu me dirais. Bon. Et Kaouta, elle a pensé à quoi elle déjà? Kaouta? Comment dire? Elle pense pas, elle a pas le cerveau elle. Non, franchement, non, je pense à rien en particulier. Non, jamais t'as pensé un truc, genre putain, ça dure trop longtemps, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'en ai ma claque, les etc. Simpsons, etc. Les... Non, je sais pas. Si, j'ai déjà pensé, ouais, c'est quand qu'il a fini quoi. Ah, c'est quand qu'il a fini? D'accord, ok. Combien de temps, ça fait mal à la bouche? Ah ouais. Ça fait trop mal à la bouche, au moment. Les coups, on va être de la bouche. Ouais, un peu comme. Ouais, un peu comme. Comme mastiquer un chewing-gum trop longtemps quoi. ou un chewing-gum trop dur. Non, pire que ça, la bouche est vraiment grande ouverte. Ouais. Bah, mais après, ça dépend le calibre que vous avez aussi, hein, les filles, hein. Bah, nous, c'est des mecs de Montpellier, alors bon. Ouais, ils sont là, c'est des. Et ça se la ramène, les Montpellierennes, là, elles sont au taquet, là, hein, ça. Mais est-ce que, ouais, vous, est-ce que vous avez déjà testé autre chose que les Montpellierens? Attends, j'entends pas, on est en voiture, j'entends pas. Est-ce que vous avez déjà testé autre chose que les Montpellierens? Ouais, les Américains. Et c'est trop de la bombe aussi, mais c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Ouais, c'est quoi la différence? Bah, les Montpellierens, ils ont quand même plus la classe, quand même, tu vois. Oh, genre. Oh là là, hey, franchement, que les des Montpellierens, c'est des bouffons, hein. Comment? Je dis, on connaît des Montpellierens aussi, et il y a aussi des bouffons, hein. Beaucoup même. Ah non, non, non. Ah si, si, si, si, Marie. Après, il y a les faux, il y a ceux qui viennent du nord, genre de Paris, et qui arrivent en bas à Montpellier, tu vois. Ah, c'est oui, ça, et qui se la racontent. Exactement, ouais. Il y a les immigrés. Les immigrés montpelliérains qui se la ramènent et qui arrivent et qui disent « Ouais, moi je suis de Montpellier, ouais, qu'est-ce qu'il y a ici, c'est quoi le problème ?» Bon, les filles, attendez, on va faire un petit appel encore là pour demander au hasard, évidemment, si ce que pensent les gens pendant qu'ils sont en train de sucer leur copain ou leur copine, à voir. Ouais. Vous restez encore un petit peu avec nous, les filles ? D'accord, pas de soucis. Bon, bah bougez par pas. Par contre, on suce pas sa copine. Oui, non, mais façon de parler, tu vas demander à leur copine, tu vas demander à une meuf, si on tombe sur une meuf, ce qu'elle pense en suçant le mec, ouais, et à un mec, ce que pense sa copine. Oui. Bon, voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Oh, ah, bon, bah voilà. On va pas chipoter non plus. Ben non, ne chipotons pas, ne chipotons pas. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allez, si vous connaissez les gens aussi, les filles, hein, qu'on peut appeler, n'hésitez pas. Hein. D'accord, tu connais quelqu'un à appeler ? On appelle des gens. Non, mais les gens, super bonnes numéros. Ouais, qui sont encore debout à sortir. Alors. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites une fellation à votre mari. À quoi je pense quand je fais ? Une pipe à votre mari. Je ne fais pas ça, monsieur. C'est sale. Pourquoi vous me posez la question, monsieur ? Ben, pour savoir à quoi vous pensiez en le faisant, mais forcément, si vous ne le faites pas. Mais pourquoi ? Qui êtes-vous pour me poser des questions comme ça ? Moi, je suis Toff, madame. Votre toffe et votre patoffe, c'est pas des questions à poser aux gens, monsieur. Ah bah, je suis oui, désolé. Bah, vous savez quoi, vous pouvez respecter les gens. Bah, je vous respecte, madame. Ah ouais, tu respectes, mais par contre, elle a raccroché. Ouais, ça, par contre, c'est un manque de respect. C'est vrai, on la rappelle. Allez, hop, c'est reparti. On remet le couvert, là, pendant qu'on a toujours les Montpellierens au téléphone. Oui, excusez-moi, madame, mais c'est pas la peine de le prendre comme ça. Mais monsieur, je vous pose la question, vous ne comprenez pas et vous me racontez des choses. C'est pas des choses à poser, des questions à poser aux gens. Mais non, mais enfin bon, c'est pas la peine de s'énerver pour ça, madame. Allô ? Je vous écoute, monsieur. Non, je dis, c'est pas la peine de s'énerver pour ça. C'est juste une question, vous y répondez pas, mais... Mais je vous ai répondu, monsieur. Bah oui, mais vous êtes énervé. Alors qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Vous avez fini parce que j'ai mes affaires à faire. Bah oui, d'accord, mais enfin bon, vous pourriez vous excuser quand même. M'excuser pourquoi, monsieur ? Vous me dérangez de mon travail pour me poser des questions ensemble, dame. Bah oui, mais enfin bon, là, vous êtes désagréable alors que moi, j'étais très gentil, madame. Monsieur, écoutez, je suis débordée, alors voulez-vous... Madame, on n'est pas débordée à cette heure-ci, c'est pas vrai. Monsieur, je suis dans mon jardin. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis pas de jardinier, moi. Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin à ce temps-là ? Mais si, il est minuit chez nous, il y fait encore jour. Vous avez compris ? D'accord. Non, j'ai pas compris, mais d'accord. Attends, on a appelé où, là ? Mais je sais pas, c'est un 05. Ah, peut-être que dans le sud, il fait encore clair. Dans le sud de quoi? Bah 05 c'est le sud de... Je sais pas ce que c'est 05. Est c'est... Attends. En 1, en 2, 3, 4, 5. Elle a un accent créole, hein, les gars. Si, c'est vers Bordeaux, Biarritz, tout ça, le 05. le numéro 05, c'est par là que ça commence, hein. 04 c'est vers Montpellier, Marie. Oui, c'est ça. Ouais, très bien, bah, alors 05 c'est le côté, ouais, exactement, ouais. Bah de toute façon, quoi qu'il arrive, le soleil n'est pas là, hein. Quoi qu'il arrive, où qu'on soit en France, même à La Réunion, il n'est pas là. De toute façon, il y a 2 heures de plus, donc ouais, il est encore moins là pour le coup. Ouais, 05, c'est sud-ouest, océan voilà, Atlantique. Exactement, exactement. Bah, écoute, je sais pas où on était, mais en tout cas, on était bien là. C'était à Burke. Eh ben, peut-être que c'était effectivement là-bas, oui, va savoir. Bon, les filles. Oui. On a Lola également qui est avec nous de Nantes là. Bonsoir Lola. Bonsoir Lola. Comment ça va Lola? Salut. Ça va et vous? Bah, ça va bien. Eh, ouais. Hey, Toff, t'as même pas fait le battle entre les deux Montpellierennes là au fait? C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. J'ai voulu envoyer la musique des chiffres et lettres. Hop là. Alors, combien mesures-tu? Kaouta. Kaouta. 10. 1 mètre Kaouta. Combien? 1 mètre 70. Moi? Kaouta, attends. Kaouta. Kaouta, c'est Kaouta avec un R à la fin. Ah, Kaouta, pardon. Alors, Kaouta. 1 mètre 65. D'accord, combien pèses-tu? Je pèse 54. Quel est ton tour de poitrine? 90, c'est... Et la taille dans les pantalons que t'as acheté? 34. Ah oui. Ça se vaut, ça se vaut. Bonne. Ça se vaut, ça se vaut. Bonne, bonne, bonne, bonne. Ah bah oui, oui, effectivement, oui. Apparemment, là, dans la voiture, il y a quand même deux bombes. Hein. Et je suis inquiet. Ouais. Ah bah il faut voir aussi vos visages, évidemment. Mais enfin, rien que le tour du propriétaire est déjà pas mal. C'est magnifique. Kaoutar, c'est quoi comme prénom? Ça vient d'où? C'est marocain. Ah d'accord. D'accord, ok. Bon bah deux bombes dans la voiture. Alors tout simplement. Bon attends, on a aussi Lola qui est avec nous là. Salut Lola. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Tranquille. On va parler de fellation aussi dans un instant avec toi Lola. Comment? On va parler de fellation également avec toi dans un instant. Bah oui. Bien, parfait Lola. Bah tu vas pas bouger. Marie et Kaoutar, vous avez encore un truc à ajouter les filles? Non. Non, bon non, d'accord. Bah, très bien. Bah, je vous fais des gros bisous les filles. À bientôt. On va avoir des cadeaux. Oui, on va vous envoyer des capotes et des pots de fun. Pas de problème les filles, gros bisous. Salut, salut, salut les filles. Lola, tu restes avec nous, ne bouge pas. Il y a Alison également dans un instant d'Épinal là. Bonsoir Alison. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah tranquille, en pleine forme. Les filles, vous avez... est-ce qu'il y a un son que vous kiffez le plus comme ça en ce moment? Ouais, Papa Outé. Ah, Papa Outé, toi, dis donc, t'es en avance toi Alison. Hein, hein? Ah non, c'est Lola, pardon. Et toi Alison? Kinder, ça change pas. Mais c'est quoi le son que tu veux? Kinder. Ah, Timber! Oui, d'accord, ok. Alors, il est où celui-là? Ouais, mais je t'avais déjà mis en plus, non? Ah oui, plus d'une fois. Ah, ben voilà. Bah alors, c'est quoi? On va se mettre Jessica Sanchez. Voilà, c'est pas mal ça. Avec Tonight. Bah, bon, ouais. Et puis, on reparle de tout ça dans quelques instants. On va parler fellation. On va parler également avec Alison. Pour les phobies, ne bougez pas de là. C'est Mickaël No Limit. On est jusqu'à 2h du mat ce soir. Bonne nuit, tout le monde. Jessica Sanchez sur Fun Radio avec Tonight. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bah oui, on est en direct sur Fun Radio, la minuit 23. Il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a JC qui dit 05, c'est le sud-ouest. Et il fait nuit comme tout le monde, mort de rire. Bah oui. Ouais. Moi, je suis traumatisé par les sexes d'hommes car une fois, un mec m'a giclé à la gueule et depuis, j'ai peur. Bah oui, mais c'est ça, les mecs, faut faire attention aussi. Ouais, faut prévenir. Bah oui. Et Xavier qui dit Montpellier, on est les meilleurs. Mais oui, ça, on en doutez pas. Il y a Solène qui dit tu peux passer le canular de jeudi, je t'en supplie. On le mettra peut-être tout à l'heure avant de partir. Ouais. J'ai la phobie des stylos plumes. Il y a quoi aussi, Pauline qui dit moi j'aimerais savoir à quoi vous les hommes vous pensez pendant que vous en faites une fellation, pendant qu'on vous fait pardon une fellation pour que ça dure plus longtemps. Parce que des fois on pense que c'est la fin et c'est un peu l'arnaque quand même. Ah oui c'est vrai, c'est pas con comme question ça effectivement. Bah, on va parler des filles maintenant et puis dans la deuxième partie de l'émission, bah, on parlera de la vie des mecs. Enfin de la vie, de ce que pensent les mecs pendant qu'une meuf est en train de les sucer. Ça me paraît. C'est, mon avis c'est pas très joli. Ouais, bon on va faire un petit point sur le top tweetos aussi dans quelques minutes. Et puis tiens, Alison. Oui, Alison. On a perdu Lola également là, ça serait bien à récupérer aussi dans un instant Lola, elle voulait parler fellation. Alison, est-ce que tu regardes souvent la télé toi? Ouais. Ouais, qu'est-ce quoi ton émission préférée? Je sais pas, j'irai De quoi de quoi? Les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi sur l'émission préférée? Ok. Ouais, non, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Non, bah là on va parler des Hollywood là. Tiens, justement, il y a Coralie qui nous rappelle qu'elle connaît bien la langue française. Et si vous allez aller sur Hollywood Boulevard et prendre des photos avec les touristes. Pourquoi pas aller se déguiser en héros. Et oui, se déguiser en héros. Voilà, N-H-E-R-O bien sûr. Bon, dans les amours, tu regardes les amours ou pas? Non. Non, bah oui, c'est mon la chaîne concurrente. Oui, ah bah oui. Ah bah il y a une candidate qui nous dit en fait tout le bien qu'elle pense de son mec en fait, tout simplement. Vous êtes un peu coquine. Bah oui aussi, mais. Vous êtes pas blasé quand il vient se glisser dans le lit? Ça dépend des jours. La grande classe, ça dépend des jours, il sera content le monsieur. Et puis pour finir, il y a Stéphane Bern qui essaye d'imiter Bruce Lee, mais évidemment à sa manière. Michel, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez pousser les petits cris typiques de Bruce Lee qui sont. Ah non. Ça, c'est mal. Oui, on sentait bien l'imitation très basique, ouais. On va dire, hein, trop basique même. On va encore faire quelques appels dans quelques minutes par rapport à la fellation. On va essayer de récupérer Lola, ou bien entendu, on va prendre Faustin aussi pour la colle. Et avant cela, Romuald, le retour d'hier, là, Romuald. Ouais, je suis là. Bon, on t'avait eu hier soir, là, apparemment, ta copine avait perdu la mémoire, t'étais resté avec elle pendant une journée. Ouais. Hein, t'es sorti avec elle pendant une journée, puis elle a dû aller se faire opérer, elle a perdu la mémoire, en tout cas, c'est ce qu'elle te dit. Et elle se souvient plus de toi. Bizarre. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, bon, t'avais eu hier soir, on était tombé sur le répondeur. On va rappeler ce soir, hein, puisqu'on voulait en savoir plus, et toi aussi d'ailleurs, hein, pour savoir un petit peu si elle allait retrouver la mémoire, si elle avait retrouvé la mémoire, etc. etc. Mais c'est vrai qu'en même temps, enfin, avoir une relation aussi longue et, sans, et l'oublier comme ça du jour au lendemain, ça doit être dur, ouais. Romuald. Hein. Ouais, quand même. Bah oui, elle est quand même restée 24 heures avec toi, ce qui n'est pas rien. On l'appelle, hier c'était le répondeur. Si jamais c'est le répondeur à nouveau, c'est pas grave, rassure-toi, on rappellera demain et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la joindre. On va bien finir par y arriver un jour. Je propose qu'on lui laisse un message quand même. Tiens, un moment pour lui dire qu'on essaie de la joindre, quoi. Ah ouais, ouais, bah à la limite, bah Romuald, si jamais c'est son répondeur, tu dis ah salut, c'est Romuald, machin. Bon, écoute, je vais te demander un truc, mais je te rappellerai. D'accord. D'accord, Romu? Allez, bon, dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, il a fait une déclaration d'amour au téléphone sur un répondeur, donc. Comme quoi, tout est possible. Comme toi, tout est possible. Vas-y, Romuald. Déjà, ça sonne. Contrairement à hier, c'est déjà ça de prix. Allez, on y croit. Bonjour, vous êtes sur un message. Eh ben, on y croit. Allez, vas-y, laisse ton message, Romu. Je vous rappellerai dès que possible. Merci, au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Virgin Mobile vous remercie. Avec plaisir. Ouais, salut Christelle. Bon, c'est Romain, j'espère que tu te souviens de moi. J'aurais quelque chose à te dire. Si tu pouvais me rappeler, ça serait bien. Voilà. Salut. Heureusement que j'ai précisé, Romuald, hein, tu as fait tout ce qu'il ne fallait pas. J'espère que tu te souviens de moi. Donc déjà, tu insistes sur le fait qu'elle a oublié, qu'elle a perdu la mémoire. Et alors, la deuxième chose, il faudrait que tu me rappelles. Ça, c'est la deuxième bêtise, puisque c'est nous qui devons la rappeler, Romuald. Et puis la troisième, c'est que t'as pas dit que c'était Romuald, je crois. Oui, si, t'as dit ça, si, il a dit au début, pardon, c'est Romuald. Donc, bravo, Romuald. Tu as été au top. Heureusement qu'on t'a expliqué avant. Voilà, tout ce que tu mérites. Bon, Romuald, c'est pas grave, on essaie de la rappeler demain encore un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Ok, ça marche. D'accord. Bon, on fait comme ça. Salut, Romu. À demain. Ouais, Romu. Tu vas faire une dédicace? Non, Romu. Tu la feras demain. Ah, parce que je veux. En fait, ah, tu voulais, mais tu feras demain. Ah, voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On peut pas tout essayer, Romuald. Hein, pas tout. D'accord. Dans la vie. Tu feras la dédicace quand on arrivera à joindre Christelle. D'accord. Bon, à demain, Romuald. C'était pour Rémi, Fun Radio, mais c'est pas grave. Hein. De quoi, Romuald? C'était pour Rémi, Fun Radio Belfort. Ah bah ouais, mais c'est pas grave. Il attendra demain comme tout le monde. D'accord. Il y a pas de passe droit ici. Il y a pas de passe droit ici. T'inquiète pas. Salut, Romuald. Salut. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, Alison, dans quelques minutes là pour parler donc bon, on va la prendre maintenant puisque Lola a disparu malheureusement, c'est bien dommage. Alison d'Épinal, 20 ans de nouveau, donc qui nous appelait par rapport, par rapport à la phobie dont on parlait il y a quelques minutes. Ouais. T'as la phobie de quoi, toi, Alison? La phobie de oui. Mais t'as peur qu'il t'arrive quoi, qu'il vienne avec sa petite voiture en bois? Ah non, mais je supporte pas sa tête. Non mais d'accord, mais... mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Il bouge sa tête là, oh là là. Avec son long nez. J'en pleurerais presque, hein. Rien qu'entendre le générique, je me cache. Hein. Oui, oui. Non, t'es sérieuse? Je te jure. Oh putain, rien qu'entendre le générique de oui, t'as peur. Oui. Mais t'as peur de quoi? De quoi t'as peur? Voilà, concrètement, t'as peur qu'ils viennent et qu'ils te disent quoi, qu'ils fassent quoi? Explique. Oui, quand j'étais petit, j'avais regardé un film d'horreur avec des clowns. Et le bordel était caché sous le lit. Et j'ai trop peur en fait que ce soit oui qui sorte. Ah bon? Mais c'est n'importe c'est quoi! T'es conscient de ça? C'est quoi, mais j'ai plus rien. Oui, non, bah, bien sûr, évidemment. Attends, merde, attends, on va te mettre le petit générique de oui, là, bouge pas, attends une seconde. si, je vais pour voir si ça se passe quelque chose. Ah non, si, je vais te taper. Mais non. Ah si. Ah, tu viens à Nancy, Alison? Oui, je viens à Nancy. Ah bah c'est bien, c'est gentil, c'est cool. Attends, on avait un générique ou pas? Ah. Oui. Ah. Oh non, mais j'en laisse pas. Et tu veux bien voir? Oui. Oui. Tu vois, Alison? Il ne se passe pas grand chose, c'est pas grave. Ah si, mais c'est... Oh, Oh là. Oh mais c'est rien, c'est rien. Il y a Pauline qui dit la pauvre, c'est trop bien. Oui oui, mort de rire. Qui dit aussi qu'il dit la suite des aventures de Romuald, c'est demain soir. Eh ben oui. Et puis l'oiseau qui dit le pire pour une fille, c'est avoir les cheveux longs pendant une fellation. Tu manges la moitié de tes cheveux. Moi, aussi ouais. Aussi. Bah sinon vous aidez votre copine, hein. Vous lui tenez ses cheveux. Il y a Fred qui dit salut. C'est pas 05 mais 05 96 ou 05 95. C'est les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. Bah oui, mais si on là-bas, me le dit pas aussi. Eh bah oui, là-bas il est 18h20, donc effectivement il fait encore clair. Bah merci Fred, effectivement on est con, ouais. Smile qui dit la phobie de oui oui, mort de rire, moi c'est Tortue Ninja. Oui, c'est bien aussi avec les pizzas. Il y a Laurence qui dit 05, c'est pas en France, mais c'est en Guadeloupe, là vous êtes nul. Bah non, 05, il y a bien en dessous. Non, non, ouais, il y a en France, c'est juste que. C'est juste que si c'est 05 et puis deux chiffres derrière 95 ou 16. En là, fait, ouais, c'est 05, c'est tous les autres départements plus le sud-ouest. D'accord. Il y a Yumi Closer aussi qui dit dans ma classe, il y a un nouveau, il s'appelle Martin Garrix, je vous mens pas. Bah ça c'est bon ça, Martin Garrix. Julia qui dit moi j'ai la phobie des pieds et des mantes religieuses. Il y a Océane qui dit moi ma phobie, marcher sur une souris quand il fait nuit, j'ai peur que ça fasse un bruit louche. N'hésite pas à consulter Océane. Il y a Amel qui dit moi j'ai la phobie des chiens, j'ai la phobie des marionnettes, c'est Marine. Et Jérémy qui dit j'ai une putain de phobie quand je fais du vélo, j'ai peur que la roue s'enlève. Ah, c'est pire avec la moto alors. Il y a Julien qui dit moi ma phobie c'est les rats, c'est tellement dégueulasse. Et alors Charles qui dit moi j'ai la phobie de dormir quand j'écoute Mickaël au cas où je raterai quelque chose. Ah ça, mais c'est une bonne phobie ça Charles pour le coup. C'est très bien, c'est très bien. Bon Alison, merci à toi d'être passé. Bon courage avec ta phobie des oui-oui. Trop gentil. Bah, je t'en prie. T'as de la chance, ça passe plus trop souvent à la télé. Ouais, maintenant c'est plutôt tranquille. Si, j'ai des neveux, ils ont l'âge de regarder oui oui. Alors je te dis pas, je pense à la chaque fois. Bah t'as qu'à les envoyer sur Donald. Non, je change, j'éteins la télé. Je bah tu fais bien. Je mets de la musique à fond. Et ben tu fais, c'est très bien, Alison. C'est parfait ce que tu fais. Bon, oui. je te fais des bisous, Alison. Bah dimanche. Et bah dimanche alors, hein, à partir de 17h, on sera sur la place Stan à Nancy. Et puis on fera l'émission dès 20h en direct des locaux de Fun Radio à Nancy. Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et place Stan, on aura des consoles à vous offrir. On aura également des places pour Starfloor qui aura lieu le 23 novembre. Et bah voilà, on sera là avec les stickers, tout ça, tranquille, un PPR. Et puis Toff sera là aussi avec le maître ruban et la balance pour faire directement pour faire les chiffres et lettres sur place. Voilà, exactement. J'aurai mon petit carnet rouge pour noter. Voilà, donc place Stan dès 17h, je vous attends. Gros bisous Alison. Bisous. À bientôt. Ciao. Et dans quelques minutes, on va récupérer Lola. Bah, qu'on avait perdu Lola, on allait parler fellation. Ça aurait été dommage de te perdre. Bah oui. Bah qu'est-ce oui. qui s'est passé? Bah je sais pas. Ah, bah, non, Lola, combien mesures-tu? Bah écoute, le principal c'est que tu sois là. Hein. Eh bah oui, tout à fait. Bah voilà. Oui, mais bon. Combien mesure Lola? Combien je mesure? 1m71. Combien pèses-tu? 56. Wow. Quel est ton tour de poitrine? 85C. Waouh. Et la taille des pantalons que t'as acheté? 38. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouais, je confirme, effectivement, ça aurait été dommage de perdre Lola. Bah oui, quand même. Là, effectivement, ça aurait été dommage. Bon, t'appelles de Nantes, toi, Lola? Comment? Tu appelles de Nantes? Oui, j'appelle de Nantes. Bon, et du coup, tu penses à quoi pendant que tu suces ton mec? Bah je pense à mon ex. Ah oui, c'est toi qui avais dit que tu penses à ton ex? Ah non, c'est... Oui, ouais, c'est moi. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Et quelle horreur. Parce que justement, et comment il s'appelle ton ex? Maxime. Ah bah très bien, bah ton biais il est là, tiens. Maxime. C'est pas vrai. Maxime. Oui, allô? Ah, oui, allô? Allô? Allô? Oui. Ouais, ouais, Laura? Ouais. Ouais, c'est Maxime. Ouais. Ouais, dans le coup, je me suis douté que t'avais parlé de moi dans le coup. Ah bon? Ouais, mais pourquoi t'appelles? Tu voulais dire encore comme ça au prix sur moi? Bah rien. Bah non, rien là pour le coup, t'as vu Maxime, t'es en train de t'énerver alors qu'elle dit que pendant qu'elle suce son mec, elle pense à toi. Bah ça, voilà. Ouais, non mais franchement. Ce qui est plutôt pour moi. Eh, Maxime, comment ça se fait que ça s'est terminé avec Lola? Elle suçait trop mal. J'avais été voir d'autres meufs. Ah bravo, ah, bah, mec, ça, Maxime, ça, quand t'as du matos comme ça à la maison, t'es con ou quoi? Pourquoi tu vas voir ailleurs? Bah je sais pas, bah franchement la tentation est dure. Ah ouais, mais toi t'es complètement idiot, tu mérites un coup de pelle. Tiens, tout à fait, je suis d'accord. Et je t'en mets une deuxième. Attends. Voilà, deuxième coup de pelle dans la gueule. Non mais Maxime. Ah non mais vous savez pas. Et moi j'en mets une troisième. J'ai été ah d'accord. Voir. De quoi Maxime? C'est parce que j'ai été voir aussi. Non mais. Et alors, peu importe Maxime. Ouais, ça mais se bon, respecte, bah, j'avoue que par rapport à... Une machine comme ça, là. C'est ça, une belle mécanique de précision. Hein, de haute précision. Ah, j'avoue que par contre, c'est vrai qu'elle se donne. Hein. Ah. Oh, le salaud. Eh bien, nous serons. Je prends ça pour un compliment, je prends ça pour un compliment. Ah, mais tu peux. Ah, bah, c'est sûr. Ah, bah, oui, un compliment, c'est sûr. Non, mais t'as raison. J'ai des billes. Mais tu peux. Et d'ailleurs, Lola, si tu veux te donner, je suis disponible. Ouais, tu parles. C'est alors, qui derrière celle qui hurle à la mort? C'est ma copine. Ah, et qu'est-ce qu'elle veut? Lolita qui vous a appelé hier. Lolita qui... Qu'est-ce qu'elle... Lolita. Attends, et Lola et Lolita, il s'est passé quoi chez les parents, là, à un moment? Ah bah, on sait pas. Ah d'accord, ok. Très bien. Il y a pas de problème. Lolita, elle est passée aussi sur le billard avec Toff au chiffre et les lettres? Ah bah, carrément. Bah d'ailleurs... Est-ce qu'il y a un truc à Lola? Ouais. Bah vas-y, ouais, tant que t'es là. Que sa copine Lolita, là. Oh, eh bah, je l'ai baisée. Bah, c'est avec elle que j'ai trompé, dans le coup. Mais toi, tu veux m'en aller en taquet, mais c'est comment, toi? C'est quoi ton problème, toi? Quoi? Arrête, là, c'est bon. Pourquoi tu racontes de la merde comme ça? On peut tous dire, bah, c'est ce fini, soir. C'est fini. Pourquoi tu racontes de la merde? Ah, c'est fini, maintenant, je peux tout avouer. Hein. Oui. Mais non, mais tu fais ça avec ma pote, non, mais t'es sérieux, toi, ou quoi? On découvre. Bah, c'est fini, maintenant, je peux te dire, dire ce qui est vrai, quoi. Non, mais sauf que là, t'es en train de raconter que de la merde, là, t'es en train de te faire passer pour un gros blaireau, là, parce que ma pote, elle dit que t'as pas baisé avec elle. Chérie, je t'ai fait cocu. Franchement, Lolita. Moi, je savais pas. Passe-moi Lolita, là. Ouais, mais c'est pas Lolita. On fait ce qu'on attends, c'est nous qui décidons. Non, mais c'est Mickaël qui décide. Sauf qu'elle, elle veut pas te parler. Ah bah, tu m'étonnes. Bah non, mais c'est parce que t'es un gros blaireau, c'est pour ça. Tu te racontes quoi une vie? Moi, je veux dire. Une vie, faut le dire. Non, attends deux secondes. Maxime. Arrête, c'est bon. Maxime. Oui. Tu vas nous donner un truc qu'il y a que toi qui peux savoir à propos de Lolita. Quelle est l'odeur de sa chatte? Non, mais qu'est-ce qu'elle a, un tatouage, ouais, ou un truc Un grande beauté. Où ça? Sur la fesse gauche. T'as un grande beauté sur la fesse gauche. Qu'on nous montre ses fesses. Je vais enquêter sur la fesse. Lolita, viens nous montrer tes... Lolita, monte tes fesses. Arrête de mytho, là-haut. Attends, Lolita, faut qu'il monte tes fesses. S'il vous plaît. J'interviens. S'il vous plaît. Attendez. Lolita, fais une photo de tes fesses, t'envoies ça à Polo. Il est en bas à gauche. Ouais, faire. Et j'enquête. Allez, Lolita. Alors, Lola, tu peux vérifier? Bah, attendez, je regarde. Bah, va, regarde. Attends. J'y suis là. Non, elle a pas de grain de beauté, c'est con. Voilà, Maxime. Tiens, de mytho, tu fais quoi? Mytho, va, Maxime. Mytho, allez, ouais. Un coup de pelle. Voilà. Et qu'est-ce que tu mérites? Et un lance-flamme en même temps. Bah, d'accord. Un lance-flamme, bah tiens, tant qu'à faire. Comme ça on a fait le nettoyage. Envoie la photo pour être sûr, je valide. Ouais, c'est pour être certain, effectivement. Ouais. Ouais. Vous pouvez hésiter. Ah, il veut que j'envoie la photo. Non. Voilà. Le juge Polo va trancher. Mais bien sûr. Bon, ben Maxime. Ouais. On va te renvoyer chez Sandro, elle est en manque là, tu peux essayer de gérer aussi avec elle. Que dalle. Un coup de pelle, je te donne. Voilà, Maxime. Ah bah, deux alors. Ah bah, très merci bien. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben salut Maxime. Salut. Allez, ciao. Et ta copine Lolita, elle pense à quoi pendant qu'elle a sucé Maxime? Et toi, t'as pensé à quoi quand t'as sucé Maxime? Et ben, elle l'a jamais sucé, donc Ah d'accord, ok, très bien. On n'a pas mesuré Lolita. Ah, si, on l'a fait hier. Ah d'accord. On l'a fait hier. Ah si, vous l'avez fait hier, oui. Ouais, on même l'a fait que hier. C'était qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah aussi, bah voilà, comme ça on a que des bonasses ce soir. C'est bien, ça fait plaisir. Ah bah voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Ah bah je te confirme, effectivement. Bon. Si c'est des chattes. Ah bon? D'accord. Ok. Mais n'importe quoi. Moi, je tiens juste à signaler que ce sont des filles qui parlent. Hein. Exactement. Et après, oui. On dit, moi, je suis graveleux, je dis des trucs dégueulasses et tout, mais je tiens à rappeler, ce sont des filles qui parlent. Qui fait ça, toi. Exactement, oui. Ça amplifie la saleté. Il doit y avoir un problème à ce niveau-là, c'est vrai. Bon, bah, les filles. Oui. Vous restez encore un petit peu avec nous? Bah, oui, pas de soucis. Bon, très bien. Et puis, on va se faire la réponse également avec la colle de Faustin, là. Faustin, répète encore un coup la colle avant la dernière. Avant l'appel du gagnant éventuel. Faustin, vas-y. Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire. Je meurs, qui suis-je? Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, dernière ligne droite pour repartir avec votre Wii U et avec également les deux jeux qui vont avec, The Legend of Zelda, et Super Mario 3D. Il faut envoyer M-I-K-L espace votre réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs. Il y a Thomas qui proposait, c'est la neige. Non. Un escargot, ça mange tout le jardin, il se noie dans l'eau et il meurt. Non. De l'acide. Non plus. La rumeur. Non. Bisous à l'équipe, bah merci, bisous à toi aussi. Il y a Marine qui propose un moustique. non plus. Un ivrogne ou un alcoolique? Non. Bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, la dernière ligne droite, on donne la réponse dans quelques minutes. On aura déjà dû la donner il y a 10 minutes, mais bon. Facebook.com/MIKL officiel ou alors vous envoyez MIKL espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Si on me laisse, je ravage. Et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Bonne chance, Faustin. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est tiré au sort, c'est lui ou elle qui gagne. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Faustin, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on s'écoute maintenant le son de Red Fou sur Fun Radio. Red Fou avec Let's Get Ridiculous. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun, il est minuit 41, bonne nuit. Yeah. Red Fou à l'instant sur Fun Radio, Let's Get Ridiculous. Il y avait le canular de jeudi également, là. Vous avez été nombreux à leur demander, on le remettra peut-être avant 2h du mat. Continuez à nous demander un hashtag Mikael si vous voulez qu'on le mette sur le Twitter de l'émission. Et en parlant du hashtag Mikael, est-ce qu'on fait un petit point sur le top tweetos? On ne fait pas de point sur le top tweetos. Alors, ça fait 15h que je te dis qu'on va faire un mais point mais sur le top tweetos. Mais oui, mais chaque fois, moi, il faut que je fasse un refresh. Eh ben, sinon, refresh, ça veut rien dire. De parler là. Depuis qu'il fait la, comment on appelle ça, la citrouille là, c'est plus le même. Ah ouais, au parc Astérix, c'est plus le même, ouais. Ouais. Moi, j'ai la phobie des bateaux, de peur qu'ils coulent, c'est Marine. Bah oui, forcément, là, vu le nombre de bateaux qui ont coulé récemment. Il y a Keltia qui dit, moi, j'ai la phobie des fantômes. Il y a Miss Mello qui dit, règle de compte en direct. Ah ouais, là, c'était l'instant. Julien qui dit, oh là là, quel gros bordel. Quentin qui dit, trop fort le coup de l'ex qui se fait rabaisser. Bah pour le coup, c'est vraiment ça. Il y a Célia qui dit, moi, ma phobie, ce sont les poupées de porcelaine en clown. Ça me fait vraiment flipper. Et Kawet qui dit, elle trouve vraiment qu'avoir peur de marcher sur une souris, c'est pire qu'avoir peur de oui-oui. Oui, c'est ce qu'elle a dit en tout cas, hein. C'est ce qu'on a dit. Et puis Calypso qui dit, la bande de tarés, c'est les bestes, phobie de Toff. Et Pauline qui dit, j'ai la phobie des araignées, je peux même pas les écraser tellement j'ai peur, je deviens complètement brûlante et tout. Bah après, je peux comprendre qu'on ait pas envie de marcher sur une araignée, tu sais, quand tu marches, ça fait ouais. Tu sais, ça s'écrase et tout, donc t'as toujours peur que ça passe au travers de la chaussure, même si dans l'absolu c'est pas possible, mais t'as toujours peur. Bon, on va donner la réponse aux gagnants dans quelques minutes. Et puis on a également pour parler, pour terminer sur les peurs, les phobies, Cyril qui est avec nous, 19 ans de Bruxelles. Salut Cyril. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue. Tu m'avais fait un mail toi pour me dire que en fait on avait un auditeur tout à l'heure, on l'a plus maintenant, mais qui en fait doit prendre l'avion pour aller à Berlin avec l'école. Et donc du coup il a la phobie de l'avion. Et toi tu voulais nous dire quoi par rapport aux avions? Bah en fait moi depuis pas très longtemps en fait je travaille donc dans les avions, je m'occupe du nettoyage. Ouais. Et donc à force de monter dedans, quand on s'occupe du nettoyage, on voit un peu les faces cachées que certains passagers ne voyaient pas. Ah genre? Bah par exemple souvent quand on monte dans les avions, on voit donc les réparations, et bon parfois c'est vrai que certaines choses ça peut faire peur. Comme par exemple vous avez des gens qui doivent réajuster des sièges. Hein. Réattacher des sièges, etc. Parce qu'ils sont ouais. Un peu défaits pendant le vol, des trucs comme ça. Ouais, ça va encore, ça. Au pire, le siège, il est mal attaché, c'est moins confortable. Mais bon, tu risques pas de tomber, quoi. Oui, voilà, mais bon, quand ils sont déboulonnés, c'est pas très rassurant quand on voit ça. Surtout que moi, je n'ai jamais pris l'avion à la base. Donc, moi, je m'occupe juste du nettoyage. Toi, tu nettoies les avions, mais t'as jamais pris l'avion. C'est bien ça. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était pour la nettoyer. Donc, Ah bon, c'est marrant, ça tient. Ah, moi, j'adore l'avion. Moi, je peux passer ma vie dans un avion, j'adore. Bah d'ailleurs il a voulu racheter Air Force One mais Obama il a dit non. Non ouais. Mais voilà c'est ça. Tu sais que moi je suis capable parfois quand je regarde un billet d'avion de prendre celui qui est un petit peu plus cher si je vois qu'il y a une escale en plus. Sérieux ouais, pourquoi pas après tout Ah, moi j'aime bien décollage, atterrissage, me mettre dans l'avion, j'aime bien, je suis en haut, personne m'emmerde, je suis tranquille, à la cool. Sauf quand t'as un gamin derrière ou un casse-couille à côté ou devant ou même derrière, tu sais qui secoue ton siège, qui arrête pas de râler, bon à ce moment-là évidemment c'est un ouais, peu pénible. Ça, mais bon. Quand tu vois les hôtesses aussi qu'il y a là-bas... Eh ben t'as pas toujours que les bonnes, hein. Je peux vous dire, si vous avez déjà voyagé avec American Airlines, comment vous dire que... Bah c'est le troisième âge hein, qui non, est hôtesse. Non, les meilleurs, ce sont les Bulgares, etc. Mais non, mec, t'as pas pris Etihad. Etihad, ouais, tu oh prends... Là, moi j'ai pas encore pris Etihad non plus, mais c'est vrai que... Etihad, Singapore Airlines, apparemment, c'est des bombes. Thai Airlines aussi, ou Thai ouais. Airways, ou je sais comment ouais, ça. Ouais, Thai, j'avoue qu'elles sont belles. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Par contre, Air France, il y en a quelques-unes qui ça sont va. Bien. Alors c'est entre vieux et bien. Y a des beautés, ça dépend. Y a des petites beautés. Et puis après, il y a Ryanair. Hein, ça c'est. Non mais Ryanair c'est pas toujours facile. Non mais c'est vrai. Hein. C'est bon. Ça dépend aussi. Mais American Airlines pour le coup j'ai toujours vu que des moches. Il hein. Y a Julien qui dit moi j'ai aussi peur de l'orage. Alors t'imagines orage en avion. Là t'es au top. Ah bah là t'es au top du top. Effectivement. Avec quelques turbulences. Oui mais t'as des turbulences et puis ça fait un peu de lumière. Ça fait un peu de lumière comme ça t'es tranquille. C'est à l'extérieur de l'avion. Tu vois des trucs. Ah voilà tu te crois dans une discothèque et puis c'est bon. Hein, t'imagines t'es là dedans. Exactement Cyril. Exactement. Bon ben merci Cyril pour les infos. Là tu travailles demain là. Demain, non, j'ai congé. Je travaille vendredi matin, 7h-11h. D'accord, 7h-11h, bah ça va, 4h, t'es à la cool. Ouais, c'est ça, c'est intimidant, tranquille. Ouais, bah pépère. Eh bah, bon courage alors, hein. Profite bien de la journée de demain, Cyril, et puis bah, à bientôt. Hein. Bah, y'a pas de soucis, à bientôt. Et on embrasse tout le monde à Bruxelles. Ça a été la défaite, là, Anderlecht ? Ouais, ça a été. Ben, j'ai vu que c'était assez chaud avec la police qui tournait Anderlecht, mais ça va. Ouais, mais c'est surtout 5-0, c'est tout. Ici, là où je suis, moi je m'en fous du foot aussi, donc en même temps. Ah, d'accord. Bon, bah alors très bien, alors pas de problème. Bon, bah ça marche, Cyril. Passe une bonne soirée, en tout cas, l'écoute de Fun. À bientôt. Hein. Merci, à bientôt. Salut, ciao à toi Cyril, merci d'être passé. Retour avec Lola dans quelques... Bah Lola, tiens, toujours là Lola? Bah oui, je suis toujours là. Bah oui, donc, est-ce que t'as pas un numéro de personne, de quelqu'un qu'on pourrait appeler à cette heure-ci encore là pour lui poser la question de savoir à quoi il pense ou à quoi elle pense quand elle suce? Je l'ai pas sur moi. Bon, dommage. Bah écoute, c'est pas grave. On a eu le numéro de quelqu'un d'autre, on va l'appeler maintenant. Et puis si jamais tu trouves d'ici là le numéro, n'hésite pas à nous le donner. Bon, d'accord, pas de soucis. Donc toi t'avais dit que tu pensais à ton ex, hein, c'est ça? Lolita, non, elle s'en fout. Oui, excusez-moi, oui. Donc toi tu avais dit que tu pensais à ton ex. Oui. C'est ça. Donc on va appeler maintenant quelqu'un au hasard. Allez, c'est parti, on va voir à quoi elle pense. D'accord. Ou sa femme pense, je ne sais pas. Allô ? Alors ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Là. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous saviez à quoi pense votre femme quand elle vous pratique une fellation. Il faut que je leur donne un numéro. Non, mais ouais. C'est quoi? Non, excusez-moi, vous dites quoi, monsieur? Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Ouais, bon, sinon, la prochaine fois, t'appelles en numéro normal. Et les questions bidon, t'arrêtes. Mais c'est pas une question bidon, monsieur. Non, mais tu veux que ça me passe quoi, ton truc, là? Bah, ça doit rien vous faire. Non, mais je te demande ce que la femme pense, toi, quand elle fait une fellation. Bah, non, moi, j'en sais rien, je n'ai pas de femme. Voilà. Mais vous avez une femme, allez. Donc elle pense à quoi? Allez, ciao. Ok, bonne soirée, petit. Bonne soirée quoi, il a dit? Petit. Ah, petit. Bon, on va le rappeler, hein. Allez, ouais. C'est reparti. On y retourne. Ouais. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché, vous n'avez pas répondu à la question. Tu veux une réponse claire? Bah oui, s'il vous plaît. Va te faire voir, ok? C'est pas une réponse claire, ça, monsieur. Ah si, là, il vient de nous voir accrocher. Je m'attendais à un petit va se faire enculer. Ouais, je suis assez déçu à ce sorcier là. Bon, fils de pute, moi j'aurais. Ouais, bon, on rappelle. On va bien finir par y. C'est chiant là. Bah oui, mais vous m'avez dit je veux une réponse claire. Je vous dis oui, vous me répondez pas. Non, mais c'est bon, tu vas te faire voir, c'est tout. Bah non, c'est pas une réponse ça, monsieur. Attends, ma réponse c'est va te faire voir. Mais c'est pas une réponse ça, monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux, j'en ai à foutre de ta question là. Bah moi je veux pas que vous en ayez quelque chose à foutre, je veux juste vous répondiez, monsieur. C'est pourtant simple. Ouais, c'est quoi ton trip? Pourquoi t'appelles les gens quoi? Bah pour savoir si vous savez à quoi pense votre femme quand elle vous fait une fellation. On parle avec un barjot au téléphone là. Et... Non, je suis pas barjot monsieur, je vous pose juste une question. C'est bizarre toi quand même hein. Bah non monsieur, enfin je vous pose juste une question. Mais j'en ai rien à foutre de ta question, tu comprends? Oui, ça j'ai bien compris monsieur, mais c'est... Bah, alors t'arrêtes de m'appeler et tu vas appeler quelqu'un d'autre. Bah non, j'attends que vous répondiez à la question d'abord. Non, c'est bon, tu la fermes, mais tu te casses, t'arrêtes. Mais non, moi j'appelle pour avoir c'est la réponse. C'est bon, ciao. Bah, attendez, vous avez pas répondu à la question, monsieur. Ah, il commence à être à point, là. Attends, on va le rappeler encore un coup. Une petite dernière, c'est moi qui régale. Allez. Oui, excusez-moi, mais vous avez toujours pas répondu à la question. Oh le lourd. Écoute, je te répondrai quand t'appelleras pas en masqué, ok? Bah ça je peux pas monsieur, le téléphone est bloqué. Ah mais il a nouveau raccroché. Bon on n'en saura pas plus malheureusement. Ah je suis déçu. Putain qu'il y a le relou hein. Mais oui. Non mais c'est vrai, on dirait ton ex Lola. Allez. Lola ah bon. Oh là là, Lola, il faut toujours 3 heures avant qu'elle réponde. Non ici Lola, elle est là. Ah là là, je disais on dirait ton ex qu'on vient d'avoir là. Non mais excusez, ah bon? Ah oui, un lourd. Ah mais c'est un blaireau, faut encore un coup de pelle. Hein. Voilà, c'est fait, exactement. Ouais. Bon, Lola, attends, il y a également Julien qui on va prendre dans quelques instants. On avait aussi, on a perdu Maxime qui voulait parler de la fellation aussi. Là. Oui, il travaillait demain. Ah merde, 5 minutes près, donc c'est dommage. On aurait eu la vie d'un mec là. À quoi pensent les mecs pendant la fellation? Tu penses à quoi toi pendant qu'une meuf te suce, Toff? Moi, souvent, je pense à elle. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que je pense à ce que je vais lui faire après, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est comment je vais la démonter une fois qu'elle aura fini de me sucer. D'accord, ok. Toujours dans la grande classe, évidemment, hein, bien entendu. Et bah, du coup, dites-nous, les mecs, à quoi vous pensez pendant que votre copine vous suce, puisque là, on posait la question inverse, justement. C'était à quoi pensent les filles pendant qu'elles sont en train de vous sucer, justement. Lola pensait à son ex, très classe, quand même, hein, faut le dire. Et bah, c'est nouveau, les nouveaux parties, c'est un truc de ouf, quand même, Lola. Ouais. La meuf qui n'arrive pas à rester au téléphone, quoi. Et envoie-moi la photo de tes fesses. Ouais, mais non, laisse tomber, elle oublie. Ah ouais, Lola ? Oui, j'ai un numéro pour vous. Ah, très bien, mais je te repasse Sandro, tu vas prendre le numéro de téléphone. Tiens, attends, ne bouge pas de là, Lola. On va également donner la réponse avec Faustin maintenant, là. Il est temps, là, pour la colle. Allô, Faustin ? Ouais. Bon, très bien. Faustin qui est avec nous, là, de Moselle, et qui avait une colle. On va vérifier si quelqu'un a la bonne réponse. Si la personne qu'on a sélectionnée a la bonne réponse, elle repart avec la console, la Wii U et les deux jeux qui vont avec. Si personne ne décroche ou que la personne n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Faustin, d'accord ? Ok. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. Et la Wii U a gagné avec les deux jeux de Legend of Zelda et Super Mario 3D qui ne sortira qu'à la fin du mois de novembre. Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Samuel. Salut Samuel, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, je t'appelle parce qu'il y a Faustin qui a une question pour toi. Oui. Écoute, si on me laisse, je ravage, et si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je ? Le feu. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà. Oh eh ben c'est gagné. La Wii U, elle est pour toi. Félicitations. Je t'offre la Wii U avec les deux jeux de Legend of Zelda et le jeu Super Mario 3D qui ne sortira qu'à la fin du mois de novembre et qu'on t'offre donc en exclusivité. Eh ben voilà. Merci à tous. Eh ben avec plaisir. Tu restes au standard. On va prendre toutes tes coordonnées. Bravo à toi. Merci. Bonne soirée à vous. Eh ben merci. À bientôt, Faustin. Pas trop dégoûté. Non, c'est pas grave. Bon, écoute, peut-être que t'en gagneras une autre dimanche soir quand tu vas venir nous voir à 17h à la Place Stan à Nancy. Ouais. Bon, en tout cas, je te le souhaite, Faustin. Passe une bonne soirée, on va quand même te filer un pack fun. Je peux faire une dédie ? Allez, vas-y, profite. Bah, je fais une dédie à tous ceux qui m'ont reconnu. Très bien, bah, le message est passé, Faustin. Ouais, salut. Bon, allez, salut. Bonne nuit, Faustin. Il faut que je me casse, moi. Salut, Faustin. Ouais, je travaille demain. Ah merde, bah, bon courage, Faustin. Salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao Faustin. Bon, on mettra le couvert demain évidemment avec la colle, hein, donc n'hésitez pas évidemment. Si vous en avez vous aussi à proposer des colles, vous proposez bien sûr en envoyant simplement un petit message à Sandro, sandro@funradio.fr. Voilà, on va se faire le son de Dubs maintenant avec Tsunami sur Fun Radio. Il y aura la rediff comme promis tout à l'heure aussi du canular avant 2h du mat du canular de Ils ont brûlé les deux. Ils ont buté les deux, pardon. N'importe quoi. Et on écoute Dubs maintenant, c'est Tsunami sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Dubs, à l'instant sur Fun Radio, c'était Tsunami. Soyez les bienvenus tout le monde. Fun Radio. Nickel, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et il y a Fabienne qui a envoyé un message qui dit au secours, mon mari parle comme les teubés de la télé, lol. Il y a Alex qui dit, je pense à mon sexe, moi, quand quelqu'un me suce, ça faisait le film suce. Il y a Cyril qui dit, j'ai la phobie des papillons de nuit. Et des criquets également, classe. Théo qui dit, orage en avion avec un clown à ta droite et une coccinelle sur ton nez, c'est parfait. Il y a Bums qui dit, j'ai peur des esprits et d'être dans une morgue. Ah moi j'en ai un truc, c'est une fois. Ouais, je sais pas une fois, mais j'aime pas être coincé, tu sais, par exemple quand t'es dans la couette, en train de dormir, et puis tu te tournes, tu te retournes, et puis il y a un moment, oh, t'es complètement coincé, ouais. Je déteste ça. Alors j'imagine le mec qui est enterré vivant. Oh quelle horreur. Ça doit être l'angoisse la plus horrible. Tu sais que maintenant il y a des mecs qui se font enterrer avec des téléphones portables. Ouais, parce pour qu'ils être se réveillent. Sûr, au cas où, ouais, au cas où. Et il y a Lilo qui dit le pire en avion, c'est les gens qui ronflent. Ah ouais, ça peut m'angoisser également ça. Il y a Lily qui dit aussi, Mickaël, j'ai peur de l'avion. Je suis sûr que si je le prends avec toi, je serai rassuré. Oh, il y a de fortes chances. Quoique, en général, je fais peur aux gens. Parce que moi, je m'y connais. Enfin, je m'y connais un peu en avion quand même. J'aime bien, donc je m'y connais quand même un petit peu. Et donc, du coup, bah, dès qu'il y a un bruit, je sais à quoi il correspond, pourquoi il est là. Et en fait, il y a plein de gens qui ont peur des bruits. Alors qu'ils devraient plutôt s'inquiéter de l'inverse. C'est s'il n'y avait pas ce bruit-là que ça devrait être inquiétant. Genre, quand l'avion commence à atterrir, enfin, est proche d'atterrir. Si, quand il sort le train d'atterrissage, ça fait un vacarme de fou. Ouais. Donc, s'il n'y avait pas ce bruit, ce sera emmerdant. Ça veut dire que les roues ne sont pas sorties. Donc là, ça peut être emmerdant. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Non, mais en même temps, il n'y a pas besoin de faire sortir les roues. Il y a un avion qui atterrit sans sa roue. Oui, c'est vrai, mais c'est, bon. C'est un détail. C'est un détail, mais enfin, c'est plus facile avec, on va dire ça comme ça. Top tweetos, Tof. Bien sûr, top tweetons. Allez, alors. Top tweetos maintenant. Quels sont les 5 premiers actuellement, sachant qu'il reste encore une heure d'émission, évidemment, que vous avez encore quasiment une heure pour tenter de devenir le numéro 1, en tout cas dans les 5 premiers. Alors, le principe est simple, il faut mettre un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Et puis, bah, plus vous mettez de messages, plus vous avez de chances d'être haut dans le classement. Mais attention, il y a une petite enfume. Il faut pas envoyer trop de messages, faut pas flouder, sinon Twitter vous bloque. Et là, vous l'avez dans le cul. Hein ? Oui. Ah, c'est ça. Bon, numéro 5. Je sais pas. Oh, t'es Odessaldessé. D'accord, numéro 4. Alors, Chris Officiel 01. Ah, bah Chris, il est là, très bien. Numéro 3. God Bless Holly. Très bien. Numéro 2. Tom M. Cloud. Ok, et enfin numéro 1. Je sais pas, je vous laisse deviner. Let's Be Freaks, bien entendu, un petit peu comme d'habitude. Bon, bah si vous voulez tenter de lui choper la première place, eh ben n'hésitez pas, il vous reste un petit peu moins d'une heure. Voilà, à 2h on arrêtera. Donc à vous de jouer, hashtag et Mickaël, vous mettez un maximum de messages. Et puis prévenez vos potes également, hein, qui débarquent également. On attend tout le monde sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAÈL officiel. Et bien sûr, en tapant MIKAÈL underscore officiel sur le Twitter. Venez me rejoindre, vous me faites un follow. Et moi aussi je vous ferai un follow avec grand plaisir, comme ça on se followera tous. D'ailleurs les filles, est-ce que vous êtes déjà sur Facebook et Twitter? Vous avez beauté à mon portable. C'est parti, elle est de nouveau à l'autre bout de la pièce. C'est fou ça. Lola. Oui. Alors, t'as dit qu'un téléphone, ça se garde à l'oreille. Comment c'est possible de jamais être là? Excusez-moi, non, c'est parce qu'en même temps, je suis avec mon amie Lolita, donc du coup... Ok, ah, d'accord, cette voix cassée. Oh là là, cette voix. Lola. Oui. Est-ce que t'es sur le Twitter et le Facebook de l'émission? Ah non. Bah bravo Lola, coup de pelle. Ah bah excusez-moi hein. Allez, j'aimerais bien voir qu'elle ressemble Lola. Voilà. Coup de pelle. Et pourquoi t'es pas sur le Facebook et le Twitter de l'émission? Ah bah ça je sais pas. Eh bah t'as Facebook? Oui j'ai Facebook. T'as Twitter? Non j'ai pas Twitter. Bon bah au moins sur Facebook. Allez. Bah tape facebook.com. Et bah dès ce soir je vous mettrai sur Facebook dans ce cas. Eh bah j'espère bien, tu tapes MIKAÈL officiel, c'est quand même pas compliqué. Je veux bien que tu me mettes sur Facebook. Ça. Ouais c'est ça, ouais. Toi aimerais bien aussi te mettre sur Facebook, mais non, c'est un moi, autre problème. Moi je veux bien juste la mettre. Oui voilà sur Facebook, c'est ça. C'est pas utile. C'est ça, c'est ça. Bon Lola. Oui. Lola, attends parce qu'il y avait peut-être que ça peut t'intéresser hein, comme t'es sur... Enfin ouais non t'es pas à côté, mais enfin c'est pas grave. Damien qui est avec nous de Lyon, salut Damien. Allô Damien. Bon, Damien qui reviendra un autre jour. Il y a Greg en attendant qui est avec nous là de Saint-Denis. Salut Greg. Salut Mickaël, ça va ou quoi? Ça va et toi? Très bien, très bien. Bon, toi tu voulais réagir comme Lola, donc elle pensait à son ex pendant qu'elle suçait son mec actuel. Ouais, ouais. Non, en fait, non mais Sandro, t'as pas dit, mais c'est Greg de Fun Radio en fait, tu vois. Ah très bien, bah Greg, voilà. C'est pas grave. Hein. Tu peux aussi Greg. Hein. Donc, je vous écoutais sur la route là, comme ça je me suis dit que c'était un bon sujet. Ça. Mais tu fais bien, alors justement, hein, tu penses à quoi quand on te suce ou alors peut-être que à quoi tu penses quand tu suces un mec, je ne sais pas. Non, je te le dis, bon tu réagis pas trop. Attends Greg, je te supplie. Lola. Oui. Est-ce que tu peux arrêter de parler avec Lolita derrière? D'accord, c'est insupportable. On entend Greg qui essaie d'en placer une et on entend blablabla. Ah mais ça c'est les meufs hein, en même temps, tu sais, t'as ouvert le poulailler là. C'est dingue. D'accord, arrête de parler. Ah bah voilà Lola, c'est très bien. Bah c'est bien, ce sera bien la première fois que tu fermes ta gueule. Attention. Mais oui, bon Greg, alors vas-y on t'écoute. Bon, je te dis ça vite fait une fois, tu le rediffuses pas 15 fois par heure comme mais ça, tu vois. Bien sûr que non, tu nous connais. Voilà, donc parfois, enfin ces derniers temps, ça m'est arrivé comme ça de penser vite fait à Nathalie Portman. Ah ouais, Jean-Yves la ramène. Voilà, non mais je sais pas, ça m'est venu comme ça, parce que vu que, en fait, je suis allé à l'avant-première du film Fun Radio Thor avec Nathalie Portman, là, tu vois. Ouais. Et que ma compagne savait que j'allais... Tu te la racontes un peu. Oui, là, raconte. Non. Tu dis un peu quand même. Oui, ça raconte. Hein, c'était le mec qui nous appelle pour nous dire que t'étais à l'avant-première de Thor alors que nous était là. Alors que nous, on était ici en train de faire l'émission, en train de bosser comme des chiens. D'ailleurs, est-ce que tu peux mettre un qu'est-ce qu'elle est bonne pour Nathalie Portman? Non, parce qu'on met que ce qu'elle est bonne uniquement quand on a les mesures, les références. Je te les donne approximativement. Elle était habillée avec une petite robe très serrée de 36, on va dire. Elle mesure 1m65 pour 48 kilos à peu près. En fait, t'es juste venu pour nous foutre la haine là. Ouais, c'est ça en fait. T'es juste venu pour faire chier le monde, Greg. Pour expliquer, je suis venu cet après-midi vers 17h, tu sais, pour voir le directeur d'antenne en disant est-ce que t'es VIP toi et tout. Puis il me dit non, je suis pas VIP machin, donc j'étais quand même assez loin d'elle, tu vois. Ah, mais lequel t'es venu voir, le sous-chef ou le sous-chef? Non, je sais pas. Il y en a qu'un seul qui est venu, mais je suis venu le voir. Hein, genre, ouais, alors t'es VIP, tu peux me faire une photo avec Nathalie Portman et tout. Il m'a dit bah non, je suis comme tout le monde et tout, tu vois. Mais est-ce, est-ce qu'il avait des cheveux ou pas? Ah non, c'était Lucas, c'était Lucas. Et donc, ah oui, donc c'est le sous-chef alors, c'est ça, d'accord. Ok. Très bien. Non mais comme ça donc, on sait, on visualise de qui tu parles quoi, c'est ça, très bien. Donc c'est le sous-chef, bon, voilà. Un petit café des bonnes alors, voilà. C'est celui qui veut pas qu'on change la prog. Voilà. Ouais, non mais c'est lui. Ouais. Bon bah très bien. Lucas. Oui, voilà, voilà, bah très bien, parfait. Bon, et donc du coup, oui, bah à la limite, Nathalie Portman, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu l'as pas fait venir, Greg? Bah parce que j'ai même pas pu lui parler, donc tu vois, j'avais oh été un peu loin. Non mais on croyait que t'étais un mec qui pesait. Mais ouais, non, nous on croyait que tu pesais sur la place de Paris là, et on se rend compte qu'en fait pas du moi tout. Moi aussi, tu vois, tu pars dans des soirées comme ça en disant peut-être que, tu vois, bah, peut-être même... que, et puis au final rien quoi. Et non, puis là, rien. Tu nous as déçus, Greg. Oh là là, nous on croyait que t'étais un mec ici. Mais ouais, et donc du coup ce soir tu vas te faire sucer par ta copine en pensant à Nathalie Portman. Non, bon ça on va arrêter sur ce. Non, c'est fini ça. Ah c'est terminé. Oh petite bite. C'était une fois comme ça, tu vois, ça passe dans la tête comme ouais, ça, deux secondes. Je suis sûr, c'est passé crème. Je suis sûr que la prochaine fois tu y penseras quand même. T'oseras pas le dire, mais tu y penseras quand même. Ouais, je sais pas, mais bon. Et c'est là. Mais Nathalie Portman, c'est toute fine, toute petite bouche et tout, tu vois, c'est dur de se mettre dans le contexte. Oui, oui, mais attends, le truc, c'est que tu vas dire, j'y pense pas, et puis au final, pendant que ta meuf va se sucer, elle va dire, et dire que j'aurais pu avoir Nathalie Portman et j'ai ce cajot, là. Ouais, non, quand même pas. Mais bon, c'est vrai que Nathalie Portman, ça aurait pu être un bon trip, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui, quoi. Oh, il t'inquiète pas, un de ces quatre, ça va aller. Si tu veux, on a toujours Toff, hein, il peut venir ce soir, si tu veux. Ouais, là, moi, je fais des piques d'enfer. Par contre, j'ai remarqué que la petite Sandro avait beaucoup de succès à Fun Radio. Oui, bah écoute, tu peux venir si tu veux, est disponible, Greg. Non, je suis passé cet après-midi, bon, c'était un peu comme Nathalie Portman, on s'est dit bonjour de très loin, comme ça, tu vois, y a pas eu de... Ah ouais, Sandro, c'est Nathalie Portman. C'est presque Portman, mais à une lettre près, quoi. Elle est comme la lune. Ouais, voilà. Ah non, mais en fait, il y a plusieurs mecs qui sont au taquet sur elle à la Fun. C'est vrai. Des blagues avec son iPhone. T'as vu ou pas ça? Ouais, si, t'inquiète pas, on l'a vu. Voilà. Mais t'inquiète pas, il y en a plein aussi au standard. D'ailleurs, appelez-la, elle est totalement disponible. Elle cherche actuellement le ramonage de l'année. 01 42 48 5000 ou 0, mais toujours, ou 02 851 4x0. Bon, bah merci, Greg, d'être passé. C'est comme les cheminées, il faut entretenir une fois par an. Eh ben, quand tu veux, hein, tu passes à l'occasion, hein, pas de problème. On se parle dimanche, c'est ça, je crois, non? Oui, exactement, oui. Pas de problème. On sera là par téléphone. Bon, formidable. Salut, Greg. Allez, bonne soirée à vous. Allez, ciao à toi. Lola, je te fais des gros bisous. Je vous fais de gros bisous aussi. Est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, vas-y. Alors, je fais une dédicace au Numba, au Plessé. Et aussi une dédicace à ma pote qui fête ses 18 ans ce soir. Très bien. Eh ben, le message est passé. Sarah. Pas de problème. Et qui est aussi avec nous, donc joyeux anniversaire, Sarah. Oh. Allez, on l'embrasse. Salut à vous, les filles. Salut. Ciao. Bye bye, les filles. Merci, Lola et Nio, la prochaine fois. Ouais. Julien aussi, qu'on va prendre dans quelques minutes. Salut, Julien. Ouais, nickel, bien. Ça va? Ben, ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Julien. Bon, on t'appelle de Toulouse, toi. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Ben, j'arrive pas à trouver de petites copines. Ah bah écoute, on va en parler. Faire des efforts, j'y arrive pas. D'accord. Merde, on aurait pu te présenter Nathalie Portman, mais. Bah c'est vrai, on aurait pu, mais non. Bon bah reste avec nous, Julien. On va parler avec toi dans quelques minutes. Là, reste là. Et puis on va également aussi d'ailleurs se faire. Qu'est-ce qu'on va se faire comme son? Tiens, Avicii avec Hey Brother. Et puis on aura aussi le canular de jeudi dernier. Là, vous voulez qu'on le remette? On va le remettre dans quelques minutes. C'est le canular où il y avait effectivement ce fameux. Allô. Ils ont mis les deux. Le début d'une grande carrière. Ah ouais, une grande carrière. Il y a Stan également qui dit c'est quoi un follow? Bah c'est suivre. Follow, c'est suivre. Oui. Donc sur Twitter par exemple, si vous me suivez, vous me followez, c'est pareil. Eh ben je vous suivrai également ou voilà. Je vous follow également. Voilà, tout simplement. Il y a Kenny qui dit en avion, moi je mets jamais de boules caisse. Ouais, moi non plus, des boules caisse, je mets jamais. QS ouais, mais caisse non. Il y a Valentin qui dit mort de rire, j'imagine bien la citrouille en déguisement là pour Toff quand il est au parc Astérix. Je suis trop beau. Ah tu parles. Et bon on va se faire péter le son de Avicii maintenant, je l'ai promis, on se le met maintenant. Au cœur de la nuit sans pub sur Fun, il est 1h11, c'est Avicii qu'on écoute tout de suite. C'est Hey Brother sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimi jusqu'à 2h. Hey brother. C'était le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Hey Brother. Et puis avant de se remettre un petit coup le canular, on va appeler quelques personnes encore, hein, Toff, hein. Allons-y, allez, faisons c'est parti. Plaisir. Bah oui, exactement, puisque je rappelle qu'on vous avait posé la question depuis le début de l'émission, à savoir, donc, à quoi pensez-vous les filles pendant que vous sucez votre mec? enfin, à quoi vous avez-vous déjà pensé justement, hormis à lui bien sûr, genre est-ce que c'est bientôt fini, ça me saoule, je fais ça pour lui faire plaisir, j'ai oublié d'enregistrer ça à la télé, merde, enfin tu vois, c'est comme ça, c'est quoi. Horrible. Ah ouais, c'est assez dégueulasse. Donc on appelle quelqu'un maintenant au hasard parmi les numéros qu'on a reçus, hein, en envoyant ça sur tof@funradio.fr, les numéros de gens encore debout, n'hésitez pas les autres à envoyer aussi. Allez. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous saviez à quoi pense votre femme quand elle vous fait une fellation. C'est super drôle, ça. Non, monsieur, c'est une question, ce n'est pas drôle. Non, mais... C'est... Quelle est la démarche, exactement? Bah, de savoir, en fait, à quoi pense votre femme quand elle vous suce. Non, mais... Votre démarche. Bah, de savoir à quoi pense votre femme quand elle vous pompe le dard. La vraie démarche. En passant ce coup de fil à cette heure-là chez un particulier. Bah, de savoir en fait à quoi pense votre femme quand elle vous astique le manche. Non mais c'est quoi, c'est une blague avec des potes? Ah non, pas du tout monsieur, je vous appelle en vous posant la question de manière tout à fait sérieuse et cordiale. D'accord. Bonne soirée. Bah, vous n'avez pas répondu à la question monsieur. Ah oui, mais là, il ne répondra pas, à mon avis. C'est bien dommage, mais bah il ne répondra pas. Bah oui, c'était triste. Ah oui, c'est en con. En plus, j'avais fait con. Plein d'images et tout. Bah oui, bah on appelle un autre, du coup. Bah oui, allez. Allez, hop, c'est parti. On appelle directement un autre, là. Et on se fera le canular juste après. Allez. Et puis, on aura Julien aussi. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites une fellation. Pardon ? Non, je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites une pipe. Je vous écoute, je vous ai pas entendu. Oui, je dis à quoi vous pensez quand vous sucez votre mari. Qu'est-ce que vous parlez là ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Ben, en fait, je veux savoir à quoi vous pensez pendant que vous êtes en train de lui pomper le dard. Écoutez-moi, monsieur, il va vous faire foutre. Mais pourquoi vous me dites ça, madame ? Bah, je vous connais pas, va vous faire foutre. Mais d'accord, on ne se connaît pas, mais moi je veux juste... Mais pourquoi vous m'appelez pour me poser des questions comme ça ? Bah, pour avoir des réponses, madame. Regardez-moi, hein. Je suis pas un psychologue, ni un truc, vous devez vous expliquer ailleurs. Oui, mais je peux pas vous voir, en fait, parce qu'on est au téléphone. Donc ça... Mais moi, je vous dis, va vous faire foutre. D'accord, mais vous pourriez répondre à ma question. Au revoir. Bah non, répondez à la question d'abord. Oh, on va rappeler. Elle est sympa. Ben oui, on rappelle de suite. Allez, donc on est en Martinique. Oui, là oui. Oui, excusez-moi, mais vous avez coupé un peu vite. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais pourquoi je vais vous répondre ? Bah parce que je vous pose une question, donc en fait c'est le concept. Mais pourquoi vous me faites chier ? Je vous fais pas chier, je vous appelle pour vous poser une question. Tout d'abord, vous êtes qui ? Moi je suis Tof. Vous êtes Tof. Dos va te faire foutre, Dos. Non, pas Dos, Tof. Va te faire enculer, salope. Ils sont chauds, la Martinique. Hein. Dos. Oh la violence. Dos, il va se faire foutre Dos. Dos à citrouille, exactement. Bon, allez, du coup, on en avait parlé là. Vous avez tellement kiffé le moment de l'Actor Studio, notamment du canular de la semaine dernière. Le avec talent. Ça. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Du coup, on va vous le remettre encore un petit coup maintenant, comme il est tard pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière avec nous. Jeudi dernier, 1h20 sur Fun Radio, c'était Fred qui nous avait appelé. Merde, c'était Fred qui nous avait appelé. Bonsoir, je voudrais faire un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Très bien. Voilà. Bon. C'est 20 ans, on a envie de. Ah, c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup. Ouais, d'accord. Pour lui faire un petit coup de pipe, ouais. Bon, bah très bien. Un coup de flip ou un coup de pipe ? Ouais. Les deux, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, mais très bien. Bon, écoute, on va l'appeler, mais est-ce que t'as une idée, un truc en particulier ? Je voudrais peut-être faire une fusillade, une soirée en fait, un ami à moi qui aurait, un ami à moi qui aurait tiré sur quelqu'un et je l'appelle paniqué et je demande ses conseils et du coup bah je le mets dans le coup parce que je l'ai appelé et du coup il se retrouve aussi dans la merde et voilà et tout en enchaînement de choses ça peut être vraiment pas d'accord. Mal. D'accord, bon écoute, on va essayer, alors soirée, donc lui, donc toi t'habites à Nantes et lui il habite où ? À Paris, d'accord, ok, voilà. Très bien. D'accord. Bon, on y va, Jeff, on l'appelle, comment il s'appelle lui ? Jawed.

Mais non, je suis pas, je suis au quatrième étage, mon cas, je peux pas, je peux rien faire, je suis coincé, il est juste derrière. Ta gueule, putain. Passe par la fenêtre, wesh. Mais mec, la fenêtre, quatrième étage, je vais pas sortir. Mais t'es un fou. Mais non, mais passe par la fenêtre, genre pas essayer d'aller dans les voisins. Je sais plus quoi faire, mon gars. Appelle les Schmitt. Mec, tu fais quoi? Eh gros, si tu fais quoi là? Eh gros, là, tu fais quoi? Appelle les rejetats, gros. Te fais pas ouvre la porte. Il m'a touché. Jeff. Il a tiré à droite dans la porte. Jeff. Allô. Ouais, Jeff. Il fait son cinéma, il a rien là. Eh hey, Jeff. Jeff. Eh hey, Jawad. Oh merde. Hey, il est con. Pourquoi t'as fait le mort? Il est con lui. Il va appeler les flics. Vous êtes il va appeler les flics. Jeff, attends, rappelle. Allô, allô. Eh, hey, t'es trop fort, Jeff. Mais oui, qu'il est con, il fait le mort. Hey, lui. Attends, Tov hurle. 07. Mais non, non, oh putain. Merde. Mais je peux putain, sérieux. De toute façon, je m'en fous, c'est Tov qui a tiré. Ouais, c'est Tov. Bah, tout le monde est. Attends, vas-y, je commence. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il a buté connard. Mais non, t'es déjà mort, Tof, c'est espèce de mort. Je t'ai tiré de malheur. Hey, Jawad. Jawad, bon anniversaire. Jawad, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Jawad. Avec plaisir. J'ai l'anniversaire, et là t'es vraiment Fun Radio mon gars. Ouais, j'ai cramé, t'inquiète, j'ai cramé. Oui, c'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Bon, je te mets une petite musique d'anniversaire quand même, hein. C'est pour c'est moi, ça me fait plaisir. Attends, merde. Ah oui, putain, attends une seconde, la musique d'anniversaire, elle est foireuse là. C'est bon, alors quel acteur. De toute façon, la musique d'anniversaire, il l'avait déjà eu, donc c'est bon. Voilà, c'était n'importe quoi. C'était le canular excellentissime. Ouais. Prestation également d'auditeur. Et quel talent de la citrouille. Et quel talent, évidemment, de la citrouille, bien entendu. Il y a Mégo qui dit ah, bientôt l'entrée en scène de l'acteur Tof qui est mort et qui revient à la vie, mort de rire. Mathias qui dit aussi Mickaël, je t'aime et merci, Matt. Il y a Lilou qui dit Mickaël en mode assassin, c'est énorme. Ouais, enfin, en mode assassin, moi j'ai rien fait, hein. Non, techniquement non. Je suis innocent, je suis blanc comme neige. Mathias aussi qui dit mort de rire, c'est des psychopathes. Il y a Bloody Valentine qui dit mort de rire. Quel scénar. J'en fais pipi dans mon boxer. I love you qui dit oh qu'il est con. Ben oui, Didier aussi qui dit ah, ils les ont butés tous les deux. Je vais le mettre en sonnerie. Il était trop bien le canular. C'est Mathias. Il y a Papuche qui dit aussi vous me faites trop marrer tous les soirs. Et puis Tony qui dit obligé, il est trop bon. Je me marre comme si c'était le premier jour. Et puis enfin, Make Some Noise qui dit ah putain, le canular, il était trop bon. Et oui, d'ailleurs on remettra le couvert demain avec un nouveau canular, hein, si jamais comme tous les jeudis, si vous avez envie de participer, si vous avez envie d'en faire un canular, gagner des cadeaux au même passage, hein, et si vous voulez piéger, je sais pas moi, vos copains, copines, parents, grands-parents, patrons, etc. Et ben n'hésitez pas, vous inscrivez, vous me faites un petit mail mikl@funradio.fr et puis voilà, on fait ça demain si vous voulez, il y a aucun problème. Dans quelques minutes sur Fun Radio, eh bien on va récupérer notre ami Julien. Il y aura Adrien également, Julien qui n'arrive pas à pécho. Donc si vous avez des conseils pour vous, à lui donner, pardon, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et puis on s'écoute maintenant le son de Fédé Legrand sur Fun Radio. La reprise de Prodigy, c'est No Good. Bonne nuit, il est 1h34 sur Fun Radio. On se fait un top tweetos aussi dans 25 minutes sur Fun Radio. Continuez à mettre un maximum de hashtag MIKL sur Twitter. Et vous serez peut-être élu le meilleur auditeur de la soirée. Je vous souhaite bonne chance. Le son de Fédé Legrand sur Fun Radio avec No Good, la reprise de Prodigy, il est 1h37 du mat sur Fun Radio. Et je vous rappelle qu'on a toujours des places pour la Paris Games Week qui aura lieu mardi. Ce sera donc évidemment à Paris, salon du jeu vidéo. Et en plus, on pourra évidemment tester la nouvelle PlayStation 4 et bien sûr la Xbox One. Et pour gagner vos places, à vous d'appeler maintenant le standard 01 42 48 5000. Et profitez-en bien, à 1h37 du mat, vous avez une autoroute pour appeler. N'hésitez pas, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Donc c'est des places à gagner pour venir à la Paris Games Week pour faire l'émission avec nous. On sera d'ailleurs là exceptionnellement à partir de 21h mardi soir, 21h 2h du mat. Alors 21h minuit en direct du Paris Games Week et puis minuit 2h en direct du studio. Wow. Ne chargez pas encore, on ne sait pas comment on va se télétransporter de la Paris Games Week au studio, mais on trouvera bien une solution. On a le jet. C'est vrai qu'on a toujours effectivement le jet privé, c'est une idée. Le paquebot, c'est un peu plus entendant. Ouais, effectivement. Toff viendra toujours évidemment avec son train, bien entendu. entendu, hein. Voilà. Ah, je peux pas y aller avec la mobilette. Ah non, tu viens en train, toi. Ah non, toi, t'es sur le train, toi. Ça a coûté cher, hein. Ah bah ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Bon, donc du coup, Paris Games Week, si vous voulez venir, 01 42 48 5000. N'hésitez pas pour les inscriptions. Il y a Morgane qui dit gavage pour rire, j'en peux plus avec le canular. Il y a Megumi qui dit moi, j'ai déjà pensé à Mickaël pendant que je faisais une fellation, mais quand je lève les yeux et que je le vois, je vois que c'est pas lui, pardon, je suis déçu. Oh, c'est gentil, Megumi. Et Steve qui dit avec Mickaël, nos limites, mes soirées de boulot sont bien plus fun. Merci à toute l'équipe. Bah écoute, avec plaisir, Steve. Et Morgane88S qui dit moi, quand je fais une fellation à mon homme, je pense à péter, mort de rire, je rigole. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça reste à voir aussi, ça, effectivement. Bon, allez, on accueille Julien avec nous maintenant. Salut, Julien. Salut, Mika. Comment ça va? Salut. Ah, comment ça va toujours, tranquille. Évidemment. Depuis tout à l'heure. Tranquille, mais permets-moi de reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Du coup, j'arrive à pécho. Et justement, j'en ai marre de pécho et moi, j'aimerais bien avoir une relation sérieuse. Quoi. Ouais, tu es un lover. Parce que moi, je vais dans le standard, j'arrive pas à pécho. Allô? Allô? Ah, je disais, moi, je vois dans le standard, il n'arrive pas à pécho. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, bah. Donc, si, si, justement, moi, quand je vais en boîte et tout ça, bah, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais après, voilà, quoi. Mais oui, toi, t'as plus envie d'accoudasseoir, quoi, c'est ça? Non, c'est ça, il a envie d'une grande romance, d'une histoire d'amour. J'ai pas forcément envie de sortir avec une meuf que j'ai rencontrée en boîte, quoi. Bah pourquoi? Après, tu peux très bien avoir une grande histoire aussi avec quelqu'un que t'as rencontré en boîte, y a pas de raison, même avec quelqu'un que t'as rencontré c'est sur sûr. Internet. Évidemment. Sûr, attends, y a Adrien qui est avec nous également, là, de Meurthe et Moselle. Salut à toi, Adrien. Salut. Comment ça va? Bien, tranquille. Eh, tu sais qu'on vient chez toi dimanche soir à 17h, hein, on sera sur la place Tan à Nancy. Ouais, bah si je bosse pas, moi y a pas de problème. Ah bah ouais, en plus y aura des consoles, des jeux vidéo à gagner. Y aura des places aussi pour Starfloor et puis on aura aussi les stickers bien entendu. Donc 17h place Tan et à partir de 20h dans les studios de Fun Radio à Nancy. Voilà, on vous donnera l'adresse évidemment, tout ça sur le Facebook et le Twitter bien entendu. Donc bah n'hésitez pas, on fera un petit jeu sympathique sur la place Tan. On sera à hauteur de la statue. Voilà, pour ceux qui connaissent, et puis pour ceux qui connaissent pas, mais comme ça au moins vous saurez nous trouver. Ouais. Et rassurez-vous, vous le trouverez. Bah oui, c'est facile. Bah oui, pas. Sur la place Tan, c'est facile en même temps. Comment voilà. Tu veux louper cette gueule là? Ah oui, bah c'est confirmé, effectivement, ouais, un coup de pelle. Bon, Adrien, bah sois le bienvenu en tout cas. Tu voulais aussi réagir toi par rapport à Julien. Alors, est-ce que toi aussi t'es en galère pour pécho? Est-ce que toi tu cherches des relations sérieuses, longue durée? Explique-nous. Bah voilà, moi ça fait maintenant un an et demi que je suis tout seul. Ouais, oh bah alors, comment ça se fait que t'es tout seul? Bah non, parce qu'en fait, j'ai mon meilleur ami, il sort avec une fille, mais je parlais avec elle, et puis là, il y a pas longtemps, il y a quoi, un mois de ça, on était au cinéma, comme lui, il a pas pu venir, puis on a commencé à s'embrasser, voilà, et je sais pas du tout s'il y a un truc, mais en plus c'est mon meilleur pote, alors... Attends, oui, tu t'es tapé ton meilleur pote? Non, là... Non, comment on va parler, la copine à la mon copine mon du meilleur pote, c'est ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Oui, ben c'est mal. Mais voilà, j'aimerais bien le dire, mais j'ai pas le courage, comme c'est mon meilleur pote en plus. Bah oui, mais t'as eu le courage de l'embrasser, hein, sa meuf. Ouais, mais c'était pas la même situation, ça voilà. C'est... Mon pote, je le connais depuis 15 ans. Elle, ça fait que un an qu'on se connaît. Bah ouais, bah la mec, il fallait réfléchir avant de mettre ta langue dans sa bouche. Ouais. Ça va, il a mis sa langue, hein, ça aurait pu être pire. Bah oui, oui, oui. Voilà, en plus, j'avais appelé pour voir s'il y avait moyen, voilà, parce que face à face, je n'oserais pas lui dire. Ah, tu veux qu'on l'appelle en direct? Ouais. Bah oui, évidemment, tu sais nous si on peut rendre service, avec grand plaisir, hein, si on peut t'aider à t'enlever cette épine du pied. Si on peut foutre un peu le bordel, ouais. Surtout. Bah voilà, gratuitement, parce que nous, pour le coup, on n'a rien à faire, hein, ça qui est bien, ça qui est pratique. Comment il s'appelle ton pote? Il s'appelle Loïc. Loïc, et lui, il est avec elle depuis un an? Ouais, ça va faire un an. D'accord, ok. Bon, comment ça se fait d'ailleurs que tu as réussi à la pécho? Bah, en fait, on se parlait parce qu'on faisait des soirées, et puis un soir, on devait aller au cinéma à 4, et puis lui, il a pas pu venir parce qu'il bossait. Ouais. Et l'autre pote devait venir, mais il a pas pu, et puis on s'est retrouvés tous les deux, en fait. D'accord, ok, donc forcément toi tu l'as rendu service, t'as essayé de l'emballer quoi. Bah déjà la meuf, ça fait un an qu'elle est avec son mec. Bon déjà si dès le début elle va déjà se taper à l'autre mec, donc déjà c'est un petit peu moyen, hein. Ouais, voilà. Et toi par contre par rapport à ton mec, par rapport à ton pote, on peut le dire effectivement que tu en es un beau, hein. Ah oui, bah oui, qu'est-ce que t'en penses Juliette qui est avec nous de Paris? Je vais te dire, mais en face j'ai peur que ça part en couille en fait. Ah bah ça va partir en couille, il y a des chances, ouais. Qu'est-ce que t'en penses Juliette, toi? Bonsoir à toi, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien Juliette? Oui ça va. Bon très bien. Est-ce que tu trouves que Adrien a réagi comme... Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Comme une tête de con. Ah bah oui, bah là concrètement c'est un connard, mais bon elle aussi. Bah va te faire enculer, connard. Voilà, c'est ça. Non mais elle aussi. Ah elle bah aussi, oui, pour le coup c'est vrai. Bah c'est ça, elle, elle a donné sa bouche, lui il a mis sa langue. C'est une grosse franchement salope. Si elle est avec depuis un an, c'est pas cool quoi, parce que un an c'est du sérieux quand même. Ah mais bien sûr, d'ailleurs moi je l'insulterais bien, Adrien. Fais le pourri de bâtard. Et voilà. Pourtant une relation sérieuse ça commence à une journée, on l'a appris hier. Hein. Et on l'a appris hier effectivement, oui. Oui tout à fait. Mais attention Adrien, parce que pour le même prix ton pote il va peut-être mal le vivre. Hein. Je vais te couper la tête avec mon pénis. Ouais, okay. Voilà. Enfin, moi j'aimerais bien lui dire en face, parce que après. Ah tu veux dire en face, tu veux dire au téléphone. Ah, au téléphone, mais pas en face. D'accord. Bon, Adrien, ouais, je te repasse Sandro, ouais. On prend le numéro de téléphone de du pote pour qu'on gère ça dans quelques minutes, d'accord, d'accord. On appelle pas la meuf d'abord. Ah, c'est vrai, bah donne le numéro de la meuf aussi, Adrien, comme ça on fera une carte de coup. Moi je dis, faut d'abord appeler la meuf pour voir si, tu vois... Si elle regrette, etc. Ou si elle, si elle a envie d'un truc avec lui, ouais, et après là, on appelle là, le pote. Il y aura pas moyen, parce que, comment, elle est au boulot. Ah. Et elle quitte pas avant 5h du matin. Bon, on attendra 5h. Ok. Voilà, on va rester jusqu'à 5h juste pour l'appeler, c'est pas un problème. Hein, on verra tout à l'heure, pas de problème. Non, non, mais Adrien, je te repasse Sandro Standard. Et toi, Juliette, t'appelles de Paris, toi, ça va bien? Oui, ça va. Tranquille. Mais en fait, j'avais une question. Oui. Parce que depuis le début que j'écoute, je me demandais, c'est lequel, Tof? C'est le gros, c'est celui qui a les cheveux gris? C'est celui qui a les cheveux gris. Le quoi? Ah, ok. Le gros. Je suis quand même moins gros que toi. Attends, parce que peut-être qu'elle parle de moi, hein, je sais pas en fait au final. Hein. Mais parce qu'on est trois en fait, donc est-ce que tu vois à quoi je ressemble moi, Michael? Oui, non, mais toi je... D'accord. Donc t'hésites en... Toi t'es super beau gosse. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, Juliette. On t'a payé, Juliette, au standard. Non, mais le gros, attends, t'es vraiment sur le gros là. Mais attends, parce que tu confonds peut-être. Attends, il y a Polo donc qui fait le pipeau, et puis il y a Tof qui est le gros connard. Ok, donc Tof c'est celui qui a les cheveux gris. Oui. Mais ça se voit pas dans l'absolu, tu vois, sur les photos, donc je comprends pas d'où vous êtes très bien. Bah si, quand même. Ah bon? Quand même. Bah oui, quand même. Attends, tu l'as vu où? Est-ce que t'as une photo sous les yeux de nous, là, que je puisse te confirmer? Ah oui, c'est bizarre. C'était sur Facebook, ouais. D'accord, ouais, mais enfin, il y en a plein des photos, pour parce le coup. Fait, ils sont tout le temps ensemble et on sait pas qui c'est qui. Oui, qui c'est qui, effectivement. Qui c'est, bah, qui sont les snorkies? Bah comment... Comment expliquer? Bah Polo il a pas de cheveux, il a les cheveux. Bah, il a les yeux clairs. Ouais, bah, ça se voit pas forcément non plus, ah, sur les, ouais, photos. Mais bah Tof il a les cheveux un peu en pétard, un peu en l'air quoi. Alors que Polo, okay, il a la tête rasée ou presque. Le gros. Ok. Voilà. C'est le mec avec la tête rasée que tu disais gros. Je suis désolé. Hein, c'est non, le mec c'est celui qui a pas de cheveux. Enfin qui genre une barbe quoi. Ouais, que tu trouves gros, c'est ça? Oui, mais c'est... non, bon, pas... ça va. Enfin, un petit peu, mais ça va. Eh ben, heureusement que tu l'as pas vu avant. Parce que, putain, c'est vrai, parce qu'il a quand même bien perdu, hein, depuis. Ouais, il est, hein, pas gros, là. Ah bah, depuis qu'il a fait des régimes... Le gros. Ah, ouais, ça, il a perdu, hein. Alors que là, il est svelte, il est beau gosse. Exactement. Non, il est gros. C'est sympa, les gros, hein. Bah, oui, c'est qu'elle s'est pas trompée, qu'elle parlait pas de moi, surtout. Ah, peut-être, ouais. Je suis en bad, là. Est-ce que le gros, c'est pas quelqu'un avec des longs cheveux? Non, ça va, alors. Non, elle est bonasse. Elle est bonasse, ouais, c'est mignon, elle merci. Elle est bonasse. Ouais, c'est parce que Sandro, tu l'as eu avant au standard, elle a dit si tu dis pas un truc compliment sur moi, t'auras pas de cadeau, non, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Ah bon, c'est d'accord, ok. Alors ça va. Alors ça va. Bon, Juliette. Oui. Tu nous appelais pourquoi toi, ma chérie? Non, mais moi, je voulais réagir au mec qui peut pas pécho, mais apparemment, il arrive à pécho, donc il y a pas de souci. Bah, disons qu'il arrive à pécho, mais pas sur du long terme, enfin, c'est pas très clair son histoire. Ah, bah ok, bah je reste alors. Bah oui, tu peux rester, oui. Et dans l'absolu, tu veux donner quoi comme conseil? Puisqu'au final, il y en a d'autres certainement qui sont en écoute, là. En fait, c'est juste que les mecs, ils essayent... Des fois, ils réfléchissent trop. En fait, ça sert à rien de trop... Enfin, je veux dire, faut juste vraiment être naturel. Enfin, je sais qu'on le dit genre des milliards de fois, mais ça sert à rien de genre venir et faire genre... Excuse-moi, est-ce que le gros peut intervenir? Oui. En fait, tout ce que tu dis, c'est pas vrai, parce que si on vient avec être franc, sincère, et avec en te parlant, en disant la vérité, vous n'aimez pas ça. Et Tof a très bien compris ça, puisqu'il ment. Exactement. Si j'arrivais en pétant et en rotant à table, la meuf, elle part direct. Bah oui. Oui, bien sûr. Non, mais... Donc, tu vois, je peux pas être naturel. Tu montres un... Non mais bien sûr, tu montes pas après 20 ans de mariage, mais t'arrives pas genre wesh mademoiselle, c'est quoi ton 06 et tout. Tu viens juste genre oui bonjour, je vous ai remarqué, je vous ai trouvé sympa. Enfin tu viens normalement, ouais. Une attitude normale, pas... Bon attends, on va imaginer que Tof te drague. Ok. Donc, il arrive, il est là, il est en boîte. Ouais mademoiselle. demoiselle. Ouais, je t'ai vu là, tu dandinais ton petit cul au bord du bar là. Je peux te payer un verre? Ouais non. Non. Comment ça non? Tu fais ta pute ou quoi? Ouais non, tu vois. Dégage. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors sinon attends, on va peut-être essayer. Attends. Il y a Polo qui va arriver, lui de manière totalement différente. Ouais. Oui, qu'il pousse un peu les gens par contre. Attends, excuse-moi, tu peux te pousser un peu là, je vais prendre un verre. D'ailleurs, ça t'intéresse, tu veux un verre? Allô? Ouais, bah ouais, y'a pas de quoi, tu bois quoi, c'est pour moi. Allô? Hein? Tu bois quoi, c'est pour moi. Martini? Ah, parfait, j'adore ça moi aussi. Bah deux voilà. Martini, s'il vous plaît, barman. Oui, ok. Bah, ça nous fait un point commun. Ouais, désolé, ça nous fait, on en a désolé, plusieurs. Désolé, j'en ai plus. J'ai mon jet privé qui attend là, ça te dirait d'aller faire un petit tour avec? J'ai plus de Martini. Eh bah, tu vas en trouver. Eh bah, j'ai plus de Martini. Ouais, par contre. Le jet privé, ça un petit peu too much. C'est too much? Ouais, mais ça, c'est parce que tu descends à la Ferrari pas, alors. Tu ne fréquentes pas. Tu vois, il vient de passer. Si t'en as vraiment un, oui, mais sinon, non. Mais bien sûr, j'en ai un. Tu croyais quoi? Ah bon? Je suis blindé. D'accord. Il a un paquebot aussi. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous acceptez la Mex Platinum? Oui, mais je n'ai pas de platine. Vous n'avez pas de Martini? Tu prends quoi? Il a pas de Martini. Je sais pas, j'ai pas de Martini. Whisky Coca, je sais pas. Bah voilà, whisky Coca. Deux whisky Coca, j'adore ça, ça tombe bien. J'ai du Coca, mais j'ai pas de whisky. c'est le pire truc quand même, une meuf qui boit du whisky Coca. Ouais, mais c'est pas grave, j'adore ça. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi? En même temps, j'ai 16 ans, hein, donc je vais pas ouais, boire. Mais c'est génial. Ah, bravo, on bah justement, ça tombe bien, j'avais le Coca. Ah, on a le Coca. Tu veux une paille? Et tu fais quoi dans la vie à 16 ans? Bah, pas grand-chose. Tu veux pas un diabolomante plutôt? Bah, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te déposer à la maternelle et puis moi je vais rentrer chez moi. C'est drôle ça, c'est drôle, ça c'est drôle. C'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on peut rien faire. Mais hein. Voilà, et je rappelle que la meuf de Polo en a 18, hein, celle qu'il a rencontrée. celle qu'il a rencontrée dimanche là. Et qui s'appelle Chouchou. Cécile, elle s'appelle Cécile. Oh là là, ils sont relous. Mais il a quel âge Polo? Oh, 22 ans et demi. Ah oui, d'accord. Et il est gros. Et il est gros, ouais. Bah oui, il est gros. Oh, c'est 33, rien. 33-35? Non, 22 et demi. Il a 22 et demi. Ok. Bah ouais, non, mais c'est vrai, je suis con. Bah 22 et demi, y'a pas de soucis, hein. Bon, attends, y a Morgane aussi qui est avec nous, là, 21 ans. Bonsoir, Morgane. Bonsoir. Comment ça va, Morgane? Ça va bien, et vous? Bah écoute, plutôt bien. Salut, Morgane, tranquillement. Ça va très bien, Morgane. Combien mesures-tu, Morgane? Ah, tu me l'as déjà fait. Bah c'est pas grave, refaisons-le. Oui. Attends, ça a été fait quand? C'est il y a 3 semaines, je crois, un truc ouais, comme non, ça. C'est faux. Ah, 3 semaines, ouais, tu as pu prendre du poids entre ça. Ça prend... Non, non, j'ai quand même. Alors, combien mesures-tu? 1,63. Combien pèses-tu? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 1,95 D. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 42. Non, c'est pas mal. Yo! Yo! Bonne! Bon. Non, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle en a autant derrière que devant. Mais oui, voilà. Quel que soit le côté que tu prends, t'es pas déçu. C'est bien réparti. Oh, ça va. C'est bien réparti. Bon, Morgane, tu voulais ajouter quoi, toi, par rapport à cette magnifique discussion qui n'a ni queue ni tête, comme Toff? C'est vrai que j'ai vu qu'elle s'embrouillait pas mal, donc c'est pour ça. Voilà, mais t'as bien fait d'appeler. Bon, alors du coup, vas-y, on t'écoute. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, faut pas qu'il arrive en relou, faut d'abord avoir un petit côté un peu plus romantique, et avant de jouer la carte, je suis là pour draguer et tout, peut-être d'abord commencer par l'acheter, quoi. Ça te dit pas qu'on se connaisse et... Non, alors moi, si je puis me permettre, ne jamais... poser une question où il peut y avoir un non en réponse. Ça te dit pas... Attends, parce que sinon, en fait, sinon ça te ferme la discussion et t'es mort. Parce que si t'arrives en disant chez une meuf, ouais, salut, ça te dit pas qu'on se connaisse? Non. Oui, mais peut-être pas tout de suite, mais d'abord discuter, et après, au bout d'un moment, si la meuf, elle veut faire un peu plus connaissance, quoi. Mais attaquer direct, quoi. Ouais, mais voilà, donc comme je disais, ne pas poser de questions avec une possibilité de fermeture, parce que l'exemple, ça te dirait qu'on se connaisse, si la meuf dit non, bah vous êtes mort. Faut pas attaquer direct non plus. Voilà, quoi. En tant que bon commerçant, tu ne vas jamais aller demander à quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse? Non. Ouais. Ah bon bah merci. Oui c'est ça. Au revoir et à bientôt. Hein, voilà. Voilà c'est ça. Il y a Fabienne qui dit pour Juliette c'est plus des lunettes qu'il lui faut, c'est un chien. Il y a Clem qui dit quoi, l'insulte mon polo, un coup de pelle. Merci Clem. Voilà, et le prince Edek qui dit pour avoir vu l'équipe en vrai, Toff n'a pas de cheveux gris et Polo est loin d'être gros. Achète-toi des lunettes, Juliette. Ah si si, prince Toff a des cheveux gris. Hein. Ah oui, c'est et alors il se bientôt foutait... j'aurai bientôt plus que ça. Hein. Ouais, il se foutait de ma gueule à l'époque parce que j'étais le premier à en avoir, sauf que moi ça s'est calmé. Enfin ça s'est calmé, ça s'est stabilisé. Alors que l'autre il est arrivé, il m'a dépassé ce bâtard. C'est une teinture hein. De quoi? Il veut ressembler à George Clooney. Ouais, ouais. Toff, en fait, il a fait une teinture grise. Ouais, mais moi, j'assume mes cheveux gris. Exactement. Ouais. Moi, j'ai pas de problème, je n'ai pas de cheveux gris. J'aurais bien voulu en avoir. Que je dis. J'aurais bien voulu en avoir. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais pourquoi? De quoi? Pourquoi des cheveux gris? C'est pas bien. Mais si je sais, teinture. Mais c'est pour ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'en ai c'est deux, pour... trois qui se battent en duel. Il ouais. Y a des mecs, ça leur va super bien. C'est vrai, exactement. C'est pour me donner un air important. Voilà. Pas trop tôt, maman. Ouais, mais tu sais, Toff, il a 47 ans, hein, donc il y a un moment, faut bien que ça pousse un moment. Ah oui, c'est vrai, t'as 47 ans. Ouais, je suis bientôt à la retraite. Hein, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans une radio? Dans une radio jeune. Bah c'est la crise, tu sais, on prend les jobs qu'on peut. Hein. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'il était boulanger l'année dernière. Ouais, et avant j'ai fait boucher, mais les deux je me suis fait virer. Voilà, et boulanger c'était pour chipoter avec les mie de pain. Ouais, je voulais toucher des miches. Voilà, que j'avais trouvé. Exactement. Il y a Kawhi qui dit il veut l'amour avec un gros tas. Avec un grand A, pardon. Et il y a Didier qui dit oui, ma femme et moi, on s'est rencontrés en boîte, ça dure depuis 98. Bah, comme quoi, je l'avais dit. Bah, voilà. Et Anthony qui dit moi, quand je me fais sucer, je pense à Sandro. Ah, bah, très bien, Anthony. Et Quentin qui dit je vais te couper la tête avec mon pénis, trop fort. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? On va, les filles, restez là. Julien aussi, d'ailleurs. Adrien qui est toujours là, qui a trompé son copain au final, hein, son meilleur ami avec. Ouais, Julien. Tu peux mettre un coup de pelle à Adrien de ma part? Avec plaisir. Merci. Hop là. Ouais, voilà. Encore un. Encore d'accord. Un. Ouais. Très bien. Voilà. Bon. Adrien. Ouais. On appelle maintenant ton copain pour lui dire que tu t'es tapé sa copine. Ouais, bah s'il répond, parce qu'à cette heure-là. Mais ne t'inquiète pas, si on ne lâchera pas, on appellera demain. Ok. Bon. Allez, c'est sinon, parti. C'est sur son fixe, mais là, j'avais pas donné le numéro. Ouais, ouais, bah écoute, on va essayer déjà celui-là et puis on verra. Alors, tu lui parles, Adrien, et nous, on est derrière, ok? D'accord. On est avec Julien, Juliette, Morgane, tout le monde est là. Allez, ouais. C'est parti. On y va. Et puis, on fera encore un petit appel aussi, hein, pour vérifier à quoi vous pensez quand vous sucez. Et d'ailleurs, Mickaël, j'ai un numéro. Attends, ah bah Julien, je te repasse Sandro pour lui donner, tiens. Allô? Ouais, allô, Loïc? C'est Adrien? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Mais alors en pleine forme. Allô, pleine forme à 2h du matin. Ouais, voilà, c'était pour te dire, voilà, je sais pas comment te dire ça. Tu te rappelles le mois dernier, comme on a été au cinéma, que t'étais pas venu? Ouais, j'étais à l'entraînement, non? Ouais. Ouais. Bah, pourquoi? J'étais avec ta copine, là, tu... Non, ça, ça savait pas, par contre, tu vois. Ouais, bah voilà, au début, on devait y aller, mais comme t'es pas venu, on a quand même été... En parle. Alors qu'il fout. On s'est posé des questions, tu vois, ça fait. Ouais, allô. Ouais, ça fait un petit moment qu'on se parle et on se pose des questions parce que voilà, tu vois. Et moi, je sais pas, j'ai des petits sentiments qui commencent pour elle. Toi, tu sors avec. Après, j'aimerais pas qu'elle fait ça à des autres gars, tu vois, t'es mon meilleur pote. Ah, tu joues à quoi là, gros. Je vois rien, voilà, je te dis ce qui s'est passé, tu vois, je préfère te le dire, t'es mon meilleur pote, tu vois, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je sais que j'ai fait le con, j'aurais pas dû, tu vois. En gros, il essaye de lui faire croire. En gros, ça fait 9 mois et demi, je suis avec ma meuf. Qu'il a testé la meuf pour toi, lui. Toi, tu viens, et tu me dis quoi, j'ai des sentiments pour elle. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, gros, c'est pas de ma faute, voilà, c'est... Je lui mets un coup de pelle. Il s'est passé quoi, au cinéma? Lui, il nous entend pas, mais on avait été voir le film, et puis... Voilà, on s'est rapproché et puis voilà, on s'est embrassé. Bah après, à un moment, on s'est arrêté, voilà, on s'est posé des questions, tu vois, avec toi, tu vois. On sait pas où on est. Arrête, non, bah, en même temps, je donne un peu raison à vous deux, là, tu vois. Vous, normal, je suis avec depuis 9 mois et demi, tu l'embrasses, elle t'embrasse derrière aussi, tu vois, vous embrassez, et après, vous posez des questions. Oh, tu me prends pour un con, quoi, tu me prends pour un pédé, tu me prends pour un pingouin, quoi. Il t'embrasse, je t'embrasse. C'est pas quoi dans ta tête? Ah, mais calme-toi, gros. J'essaye de parler, t'énerves pas et tout. Comment tu veux pas que je m'énerve, gros? Il est 2h du match, j'ai la tête dans le cul, j'étais en train de jouer à FIFA peinard. Je comptais finir mon match. Et toi, tu viens, tu me téléphones et tu me casses les couilles. Oh, vas-y, parle pas de ton FIFA, on parle de ta meuf, là. Oh, y'a pas que moi qui entends aussi. Oh, c'est elle qui s'est approchée pour m'embrasser, voilà, c'est fait, tu vois. Attends, t'es sérieux dans tes paroles, gros? Y'a pas que toi qui est en tort. Y'a qui d'autre qui est en tort? Moi qui est en tort, gros, il faut être deux pour s'embrasser. Il m'aurait repoussé, mais non, là, tu vois, on était deux, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, là, l'histoire-là, elle va être réglée. Hein. Ma meuf, pour les deux. Quand elle va quitter le taf, je l'appelle direct. Je m'en bats les couilles, je l'appelle direct. Je dors pas de la nuit, je m'en bats les couilles, j'attends, je l'appelle direct. Les problèmes, ils vont être réglés tout de suite, je te dis direct. Ah, mais vas-y, il fait rien, voilà, tu vois. T'es une meuf, voilà, nos histoires. Eh gros, mais laisse tomber, mais tu crois que je vais lui faire quoi? Tu crois que je vais la taper? J'ai pas que ça à faire, je suis pas un PD non plus. Mais toi, sur la vie de ma mère, toi, ta tête, elle est découpée, ça y est, c'est mort, t'es foutu, gros, t'es cuit. Oh, vas-y, parle autrement, tu sais très bien comment je suis, tu sais comment t'es. Ça, non, non, je croyais comment t'étais. Remets les choses dans l'ordre. Remets les choses dans le contexte. Mais je t'emmerde, tout ce qui t'arrive. T'as vécu, là? Ça le temps. Eh, dis à ton pote avec qui t'es là. Dis à moi son prénom. Vas-y, tranquille, laisse-le, il a rien à voir dans l'histoire. Va te faire foutre. Justement, tu fermes sa gueule. Va te faire foutre. Ah, vas-y. Eh, je t'emmerde, ferme ta gueule, voilà, t'as compris, je t'emmerde. Ça s'est passé, gros, voilà. T'es une grosse salope. Faut qu'on se... Non, ma meuf, c'est une salope. Tu vois, sans problème, sans histoire, et parler. Vous me faites chier. Oh, le PD, il va fermer sa gueule ou quoi? Sale il veut quoi, lui? Sale ton. Je vais t'arracher les yeux, toi, tête de chien. Sale ton. Skien. Sale ton. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, gros, je vais te retrouver, je vais te brûler, gros. Sale ton. Je t'emmerde. Je te nique ta race. Je t'emmerde. Sale ton. T'as que ça à dire, t'as pas de répartie, tête de chien, gros. Je te nique ta race. T'es qui? Donne-moi ton prénom, donne-moi ton adresse, je vais te retrouver. Je vais te couper les couilles, je vais te faire bouffer. C'est où? Et dans ton cul, connard. T'embrouille pas, tu sais comment on est, gros. Non, je sais comment on était, gros, c'est tout. Ah, je te considère... Putain, j'arrive même plus à parler, tellement tu m'as foutu la haine. Je te considérais comme un frère. Tu me dégoûtes. Comme un frère pour moi. Sale con. Ah, t'as vu où ça nous mène, putain, vas-y, pour une meuf, gros. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oh, l'autre, l'artiste tape la meuf. Ah, vas-y, attends, on va faire ça pour une meuf, gros. Attends, on est pour un canard, tu crois? J'ai des sentiments pour elle. Tu crois que ce soir-là, je vais venir te serrer la main comme un frère et faire la bise normale? Mais t'es fou, mec. Bon, ça va? C'est JB. Ah non, mais c'est pas une blague. Je me suis fait niquer. Non. T'es en direct sur Fun Radio parce qu'en fait, Adrien nous avait appelé pour nous expliquer l'histoire. Et en fait, comme il a peur de toi, il n'osait pas le dire. Alors, il n'osait pas te le dire en face. Et comme nous, on est balèze, on est derrière. Voilà, comme nous, on pèse. Ouais, on pèse grave. Du coup, il voulait le dire à la radio. Donc, en fait, il t'a paniqué. Enfin, ta copine, oui, mais pas toi. Vas-y, arrêtez, il va reprendre en France pour ma gueule après. Non, mais attends, il s'excuse, attends. Il l'a pas fait exprès. Ouais, il s'excuse, il a déraclé. S'excuse, il y a la bouche qui est partie toute seule. Non, mais ça va, il y a que la bouche, il l'a pas pécho non plus, hein. Bah, ça, je sais pas, hein. Non, mais si, il l'a dit, t'inquiète, tu peux avoir confiance. Non, j'ai plus confiance en lui, c'est foutu. Non, mais si, je suis sûr que demain vous ferez encore une partie FIFA et tout. Ouais. mais par contre, ils vont jouer sur le réseau, hein, pas ouais, l'un à côté sur de l'autre. Le réseau, ouais. T'es avec quelle équipe, Loïc? Moi je suis avec Paname, avec PSG, gros. Ah bah ouais, t'as raison. Tu fais PSG Anderlecht ce soir ou pas? Ouais, t'inquiète. Ouais, très bien. Bon, Loïc, bon écoute, je pense qu'il faut que tu discutes une bonne fois avec Adrien. Hein? Et ça va bien se passer. Discuter, ça va être dur. Vraiment discuter, ça va être dur. Hein, voilà, une petite discussion en base de main. Mais non. Mais c'est quelle émission là? C'est l'émission Mickaël? Mais oui, c'est Mickaël No Limit, Loïc. Et donc du coup, Adrien, il est un petit peu en flip. Alors il nous a appelé et puis voilà, Polo le gros. Arrête pas de se branler. Le gros porc. Voilà, c'était ça les coups de pelle alors derrière. Ah bah oui, c'est ça les coups de pelle effectivement. Ouais. Bon et du coup, Adrien. Ouais, Adrien, ouais. Bah du coup pour venger Loïc, Toff lève sa jambe. Voilà. C'est fait, il l'a prise. Bon, Morgane. Merde, attends, excuse-moi, j'ai manqué de faire des... Morgane. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, qu'est-ce qu'il dit à Loïc, là? Excuse-moi, mais attends, je t'entends très... Je t'ai mal entendu, là. Oh là là. Morgane. Ah, bah, elle est partie. Oh, bah, voilà. C'est très mal entendu. Juliette. Bête. Oh, qu'elle est bête. Juliette, tu peux te poser une question? Attends, ouais, Loïc. Allô? Ouais, allô? Y a moyen de gagner quelque chose? Une meuf, ouais, non, tu vas gagner un ami, Loïc. On va t'offrir des capotes pour la prochaine. On va t'offrir un nouvel ami, tu vas voir. Bon, Juliette, qu'est-ce que tu ferais à la place de Loïc, toi? Tu lui pètes sa gueule ou pas, Adrien? Non, parce que bon, quand même, ça fait 15 ans qu'ils sont potes, donc bon, voilà. Ouais, mais bon, il faut qu'ils s'expliquent. On va pas se prendre la tête pour une meuf. Je pense que quand même, ça va plus être comme avant, quand même. Ah bah non. Nique ta mère, ça fait bon maintenant. Voilà, c'est... Je pense que tout est dit à ce niveau-là, effectivement. Ouais. Bon, bah Loïc, tu vas retourner chez Sandro au standard. On va te filer un pack fun et pareil, Adrien. Parfait. Ok, bah merci voilà. Beaucoup. Bon, bah je te vous en prie, hein, passez une bonne soirée. Hein. Comme ta gueule, les connards. Salut, hein. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, Julien. Ouais. Bah du coup, je pense qu'on t'a bien aidé là, non? Bof, bof. Oh, au top, comment hein. Ça, bof, bof? Ouais, au top, pareil. Dis donc, tu veux qu'on demande le conseil de quelqu'un d'autre? Attends, j'ai quelqu'un qui voulait donner un conseil, Julien, attends. Ça te plaît, ça te plaît, cochon que tu es là. Enculé, écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au pas-train que tu es. Tu es. Voilà, oh, tu vois. Là, tout à fait ce que je cherche, quoi. Là, t'as eu un bon conseil, non, je pense. Je pense que c'est le meilleur conseil que tu pourrais avoir. Ah, attends, j'en ai un autre. Ah, t'as été coupé, mon gros. Eh bien, viens, moi, tu te coupes entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà. SOS conseil, bonjour. Ça va mieux, Julien? T'as eu les conseils qu'il faut? Ben, c'était pas tout à fait ça. Ah merde, j'en ai encore un. Ta gueule, connard, t'es. Ta gueule, fils de pute, t'es. Enculé de ta mère, t'es. C'est ta mère qui a un gros tutoriste, toi. Elle t'a mis au mot, t'as un tutoriste sur ton front, connard, t'es. Espèce d'enculé, t'es. Ça va mieux, là, le conseil ou pas, Julien, ouais, là? Si je peux choisir, alors je préférerais avoir la bite sur le front. Ah, tu veux la bite sur le front? Et bah écoute, ma foi, avec plaisir. Elle t'a mis au mot, t'as un tutoriste sur ton front, connard. Voilà, et ben pas de problème. Parce que écoute, si t'aimes pas la bite, on a la version clito. Voilà, Julien, tu sais bien que si on peut rendre service, nous c'est avec plaisir, Julien. Et si on peut donner des conseils également, nous sommes l'émission du conseil. Ah bah, voilà, moi je voulais dire. Les meilleurs conseils du monde sont donnés ici. Mieux que le vif. Ouais. Tu voulais dire quoi, Juliette? Ton cul. Non, je voulais dire là, pour Julien là. Ouais. Bah, déjà, s'il veut une relation sérieuse, faut pas qu'il drague en boîte, hein. Ah bah non. Justement, que veux-tu à vous dire? Ah. Oui. En même temps, tu peux draguer partout ailleurs. Hein. Dans le bus, dans la voiture, dans le train. Mais non, mais après. Vous m'avez pas laissé le temps d'expliquer mon problème. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire, Julien, c'est qu'on va te reprendre demain. D'accord. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Non, mais c'est pas le sujet. Ok. Bon, on te reprend demain, Julien, d'accord? Pas de problème. Bon, ça marche, on fait comme ça. À demain, Julien. Et du coup, vous voulez un numéro pour les appels de taf? Ah bah, je vais te le filer à Sandro. Tu vas le filer à Sandro, là, et puis on va les appeler demain, du coup. D'accord, ça marche. Salut à toi. Bonne soirée. À demain, Julien. Bon bah Juliette, tu restes encore un petit peu avec nous. On a encore un appel avec toi à faire. Ah cool. Allez, encore un petit. Non, attends, moi je vais me coucher. Oh, bonne nuit. Juliette, t'es sérieuse là? Hey Juliette. Juliette. Ouais. Non mais calme-toi. Dis donc, tu vas pas aller dormir tout de suite quand même. Mais il est déjà genre 2h05. Mais non, il est minuit là. Qu'est-ce que tu racontes? Et demi. Non mais c'est sérieuse. D'heure. On a changé d'heure. On a changé l'heure là. On a fait 2h en moins. Ah bon? Mais oui. Comme ça t'es tranquille. À l'heure. Voilà. À l'heure et Michael. Exactement. Donc du coup tu vas rester un petit peu avec nous. On en a pour 2 minutes. Mais j'ai un cadeau alors. Non. Un cadeau. Bah, c'est de rester avec nous ton cadeau. Ouais exactement ouais. Ah ce que je peux te faire c'est un coup de pelle. Okay. Voilà, ça je peux t'en donner un. Bah voilà, avec plaisir. Bon, on a pas encore. Oh, un pactof, ouais, t'es sérieuse, Juliette. Crotte avec de nez, la merde, crotte de nez. De nez. Des morceaux de peau de son nez, là, qui des cheveux blancs. Exactement, ouais. Bon, et d'ailleurs, si vous voulez, on peut faire ça. On peut vous envoyer des enveloppes avec des cheveux blancs, Tof. Avec un cheveu blanc. Bah écoute. Ouais, c'est bien. Et Tof se fera plaisir de les arracher un par un. Ah, quelle horreur. Ça va être bon, ça. Comme ça, vous avez son ADN. Chez vous, vous pouvez faire toutes ces conneries. Vous voulez faire du vaudou. Ouais, si vous faites un meurtre, vous laissez un cheveu de Tof là. Ah ouais, on va faire ça, le pack Tof, c'est bien. Ah ouais, ça peut être bien. Un peu d'urine, un peu de voilà. Sperme. Comme ça, si vous saute en soirée, exactement. Mal proprement, eh ben, vous pourrez faire façon, du vaudou avec ses cheveux. Tof ne fait que ça, sauter en soirée mal proprement. Bon, on appelle, allez, c'est parti. On appelle encore pour voir à quoi vous pensez, les filles, pendant que vous faites l'amour. Ok, bienvenue. Ok. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites une fellation. Vous voulez que j'appelle les flics? Bah, je vois pas le rapport madame. Comment ça fait, hein, vous savez pas, hein. J'ai pas que ça à foutre moi, j'ai d'autres soucis. Bah d'accord, mais je comprends pas, pourquoi vous me dites ça? Vous avez rien à savoir de moi, ok? Bah non, je veux juste savoir à quoi vous pensez. Je vous emmerde, moi, ok? Bah, c'est pas gentil, ça, madame. Eh ben, vous savez pas, vous allez vous calmer, puis tout de suite. Bah, je suis très calme, moi. Parce que vous savez que si je vais en gendarmerie, le numéro, on peut le retrouver, hein? Oui, je sais qu'on peut démasquer un numéro. Oui, oui, masqué. Et ben, vous allez raccrocher tout de suite et puis me foutre la paix. Mais non, moi, je veux que vous répondiez à ma question. Allô? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, bah là, en l'occurrence, on savait. Moi, je le savais, mais. On va rappeler, on va rappeler. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Sale con. Oui, excusez-moi, mais c'est pas la peine de le prendre comme ça, madame. Mais il n'y a pas à le prendre comme ça, je vois pas ce que vous m'appelez pour me demander ça, déjà. Bah, moi, je veux juste savoir à quoi vous pensez quand vous faites une fellation, il n'y a rien d'exceptionnel. Eh ben, vous avez rien à savoir. Bah si, vous allez me dire. Eh ben non. Bah pourquoi? J'ai pas que ça à faire, moi, sur là, j'ai autre chose à faire, moi. Ah oui, mais vous répondez juste à la question et puis on raccroche. Ah bah, elle a raccroché, là. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, là, en l'occurrence, on savait, effectivement. Bon, Juliette. Oui. Allez, casse-toi. Va dormir. Allez, va dormir, Juliette. Merci. Tu veux que je te mette une petite musique pour aller dormir? Oui, mais je veux bien un pack fun. Tu veux bien, dis donc, toi tu demandes beaucoup de choses, toi. Ouais, elle est un peu exigeante. Déjà, je te mets la musique pour aller dormir. Allez, vas-y, bonne nuit, hein. Merci. Allez. Bodo blib, bobo gip, bodoa da, do, da, doa, tout le monde au lit, maintenant. Allez hop, salut Juliette. Merci. Ciao. Salut. Juliette, bye bye. Bah quoi, mais non, mais elle a encore parlé, j'ai déjà poussé sur le bouton. Ah ouais, si t'as je raison, te c'est une femme. Bon, on appelle maintenant pour le Paris Games Week également, on n'est pas à l'avance là, hein, 2h09. On aura le générique de fin bien entendu également d'ici quelques minutes. Et nous aurons également le top tweetos. Oh, prochain event. Quelle musique de merde. Allô. Allô, bonjour, oui. Comment tu t'appelles? Léo. Salut Léo. Léo, je t'appelle parce que on voudrait te filer deux places pour le Paris Games Week, ça t'intéresse? Ouais. Eh ben voilà, mardi tu sauras quoi faire. Mardi on se rend direct dès 21h du Paris Games Week. Tu vas pouvoir tester en exclu total la PlayStation 4 et la Xbox One. Ouais. Bravo Léo. Et tu pourras venir voir la citrouille, top la citrouille. Exactement, exactement. Bon bah bravo Léo. Merci. Avec plaisir. Tu dormais ou quoi là? Non, non. Ah bah, oh là là. Hein. On va être en pleine forme. Le roi de la joie. Marquis, tiens. Oui, exactement. Oh là là là. Bon, bah Léo, je te repasse chez Sandro au standard. On va prendre tes coordonnées pour te faire venir à la Paris Games Week le mardi prochain. Voilà. Ok. Et tue la mouche qui est autour de toi, s'il te plaît. Voilà, hop là. Ça y est, c'est fait. Salut Léo. Ciao. Ciao. Allez, ciao Léo. Il était plutôt surpris, je pense, ouais, à mon avis. Bon, allez, on va se faire le top tweetos. Maintenant, les meilleurs messages qui ont été, enfin, les auditeurs les plus influents sur le hashtag et Mickaël. On y va. C'est parti, numéro 5. Alors, Kidzy DJ ou G, je sais pas. Ah, c'est nouveau ça, non? Oui, c'est un nouveau. D'accord. Numéro 4. Chris Officiel 01. Numéro 3. Safraja. Numéro 2. God Bless Holly. Numéro 1. Let's Be Freaks. Eh oui. Il n'y a même plus aucune surprise. Ouais, bah ouais. Bon, bah il va falloir faire changer pourtant, ça. Un moment, là. Pourtant, c'était juste là avec votre blessure. Ouais, ouais, c'est. Ouais. Ça se tient, ça se tient. Bon, bah ça se tient, justement. Il y a des messages aussi. Il y a Hugo qui dit je jouais peinard à la FIFA. Il conjugue bien, dis donc. Vous me tuez, les gars. Il y a Lorraine qui dit il demande au mec de ne pas s'énerver. Coup de pelle dans sa tronche. Oh, il en a déjà pris assez. Hein. Il y a Kawet qui dit cool. Encore quelqu'un d'accord avec moi. Faut être deux pour s'embrasser. Merci. Certains ne comprennent pas ça. Il y a Papuche qui dit j'apprends ça. J'apprends ça. Meilleur pote ou pas, je le tue. Bah, tu m'étonnes. Il y a Quentin qui dit j'adore l'émission. Merci, Quentin. Il y a également Lisa qui dit salut l'équipe. Il y a moyen d'appeler ma copine pour qu'elle fasse des petits pains, j'ai la dalle. Ah bah ça aurait été bien de pouvoir faire partager aussi. Et Mathias qui dit Mickaël, c'est mon deuxième frère. Oh c'est gentil Matt. Et Lucas qui dit je peux avoir un message de bienvenue le plus lourd que tu as. Et pauvre Toff, il doit en souffrir avec tu mérites un coup de pelle. Avec sa gueule, ouais, tiens, hop là, un coup de pelle. Et j'oubliais, dans le pack Toff, il y a un sac de pu. Exactement, voilà. Oui, tout à fait. C'est le plus important. Bon, alors le plus violent de messages de bienvenue, je crois que c'est celui-là. Genre le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tu es. Bah, il était pas mal, hein, lui. Hein. Ouais, c'était. Ouais, il était sympa, il m'a fait un peu peur, celui-là. Ouais. Quand même. Je veux quoi? Je te crache sur la tête et que tes cheveux de rouquin de merde. Tiens, enculé, connard. Ouais, il était pas mal aussi, celui-là, effectivement. Je vous t'emmerde. Tout simplement. Ouais, mettre ma bite dans ton trou du cul. Oui, il y avait celui-là aussi, c'était une possibilité. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été nombreux et nombreuses ce soir, encore une fois, connectés sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Merci à ceux que je vois là comme ça. Il y a Denis qui était là, il y avait Enzo, il y avait Pierre qui roule, il y avait qui est d'autre aussi, Tony qui était là également, il y avait Anthony également aussi, Corentin, Geek and Boobs. Ah, c'est bien ça, Geek and Boobs. Mais ouais, non, c'est pas mal. Il y avait Rémi également qui était connecté ce soir, il y en avait beaucoup aussi. Hein. Enzo qui a tweeté, je ne vois que lui. Il y avait Lufigam également, Kawet bien entendu, Let's Be Freaks, Bloody Valentine, Dragibus, Mathias, Didier, Luffy, je l'avais déjà lu. Il y avait également Valentin Xemo Black qui était connecté également, le Prince Nadia bien entendu, de Sweet Z, Mathias, etc., etc. Twitter, Facebook, venez nous rejoindre évidemment, je compte sur vous. Demain, on sera de retour à partir de 23h pour la dernière de la semaine. Et avant de se quitter, c'est parti pour le générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Top tu là l'enculé. L'enculeur, t'en lutte ton ongle. Une gueule qui comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton ongle t'es un enculé. Nous en lire, on vient manger, on est toute la journée. T'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Dédicace à Cécile qui vient d'écraser un lapin sur la route. Parfait. T'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Cécile, c'est la meuf de Polo, faut le savoir. Ramène-le, chérie, on va le manger. Elle va te faire enculer au clochard. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens, sont canadiens. Espèce d'enculé, va. Espèce d'enculé, va. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Et toi t'as un nom de c'est un enculé. Oui tous les deux. On est des enculés. C'est vrai. Suce ma bite. Et voilà. Merci Lou, bien évidemment, comme d'habitude. Bon, ben, bonne nuit tout le monde, rencard demain à partir de 23h sur Fun Radio. À demain. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël Nos Limites. Fun Radio. Et puis c'est notre ami évidemment JB qui est là en pleine forme. Comment ça va? Il est pas écoute, ça va. Il est pas en pleine forme parce que tout à l'heure il a des relents. Il des relents de quoi? Et il fait, bah je sais pas, il fait comme ça. Il fait. Ah, il a mangé un gros grec avant de venir. Ah. Tu dois la vérité aux auditeurs, JB. La France veut la vérité. La vérité. Ouais. Et non, j'étais au resto, j'ai mangé une côte de bœuf. J'ai l'impression de peser 33 tonnes. Quoi. Ah, comme Polo alors, comme c'est le gros de l'émission. C'est un gros. Voilà. Polo est gros. Polo est gros, paraît-il. Hein, c'est ouais, si j'ai entendu ça. Non mais t'es pas gros Polo. Je te remercie JB. Et il a envie de te pêcher. Tu rentres dans un Polo S. Quel talent ce JB, mais quel talent, je suis fan. Et vous savez quoi? Je suis son premier fan. Je quitte cette émission, c'est définitif. La France. Bon, à 6h, il y a Bruno dans la radio. Et tout de suite, on... Oh, du, c'est dégueulasse, pourquoi t'as mis ça? Je lui dirai à Bruno que tu l'as traité de sale con. Scandaleux. Non, bah, jamais. Oui, oui, c'est ce ça. Ce grand homme, ce grand homme. La preuve, la preuve. Allez, on écoute une fois tout de suite. Bon, enfin bon, ça se fait pas quand même, il y a un moment, c'est dégueulasse. Bon, allez, bonne nuit. Harris, c'est le pain Harris. Oui, on a vu. Enculé, ça, mais... On avait pas relevé, mais...